Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 40. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Nous vous invitons aussi à nous soutenir par crypto-monnaie, en nous faisant des dons par crypto-monnaie. Monero, c'est la crypto-monnaie que nous recommandons, qui garantit l'anonymat des donateurs. Tout est expliqué sur le site internet democratieparticipative.tw, à droite, hein, sur l'écran. Il y a un guide explicatif. Je vous invite aussi, si jamais, parce que peut y avoir des problèmes de connexion, par exemple, à cause des fournisseurs d'accès comme Orange, etc., n'oubliez pas de vous fournir un VPN, hein, pour le futur. Vous en aurez besoin, je pense, de plus en plus dans les années à venir, parce que la censure va devenir de plus en plus forte, donc les sites vont être bloqués, etc. Ou bien on va essayer de remonter à vous parce que vous avez fait tel ou tel commentaire, donc le VPN, c'est pas un luxe. Ayez un VPN, et aussi le site est disponible en Onion Tor. Donc ça peut paraître un peu barbare pour ceux qui connaissent pas, mais en fait il y a une adresse Tor, tout simplement. Je peux pas la citer parce que c'est des chiffres, etc. Donc c'est un peu, ça vous ferait pas avancer, mais elle est présente sur le site. Et en fait, si vous utilisez le navigateur Brave, normalement Tor est intégré dedans. Donc en fait, vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc soit vous utilisez directement le logiciel Tor avec son navigateur, soit vous utilisez le navigateur que je vous recommande, qui est Brave. Auquel cas, vous pouvez comme Tor est intégré, vous pouvez directement entrer l'adresse du site Démocratie Participative dessus et vous y connecter, voilà. Ou alors tout simplement le VPN, voilà. Donc ça, c'est le moyen pour contourner la censure. Donc cette semaine, Orange nous a bloqués. Donc bon, voilà, on va voir comment on va s'y prendre, etc. Bon, en attendant, voilà. Donc ayez ça à l'esprit, d'avoir votre VPN. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, a priori, 8chan reviendrait et s'appellerait 8kun. 8kun, donc 8 comme 8, le chiffre 8, kun, K-U-N.net. Et donc, ce serait un board, hein, de discussion aussi, mais c'est encore techniquement en train de se faire. Donc, on attend. Voilà. Donc, le board reviendra peut-être bientôt. Maintenant que j'ai procédé à tous ces rappels, je vais présenter nos membres de la semaine. On a un panel assez large. Je vais commencer avec Titus, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Titus. Salut Gandalf, salut à toute l'équipe. Pierrot est avec nous aussi cette semaine. Salut Pierrot. Ouais, salut Gandalf, bonjour à tous. Fulbert nous fait le plaisir d'être là comme toutes les semaines. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour tout le monde. Enfin, Derek, notre prophète maintenant, hein, prophète, mais toujours quand même cardinal de l'église de Négrolatrie, titulaire, comme vous le savez, de la chaire de Négrologie à Paris 8. Comment allez-vous, cher Derek? Écoutez, cher Gandalf, nous allons très bien, hein, pour cette semaine qui s'annonce riche en joyeuseries. C'est vrai, d'ailleurs, un remerciement peut-être pour Emmanuel Macron, parce qu'on va en parler un petit peu en deuxième partie, mais qui a quand même fait preuve de générosité cette semaine avec votre église. Un petit merci. Oui, qu'en tant que bon républicain, c'est faire preuve de générosité avec l'argent des autres. C'est oui. assez intéressant. Bon, bah, on en parlera. Je sais que ça, c'est un geste qui vous a touché. On remercie donc le président de la République pour ça. Donc, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier. Donc c'est une réaction au courrier d'un franco-croate qui nous avait écrit il y a de ça 2 semaines, je crois. Et c'est un franco-serbe qui réagit, c'est intéressant. Alors, bonjour à vous, frères d'armes de démocratie participative. Je me prénomme MK. Je suis franco-serbe, mais serbe de cœur et d'esprit avant tout. Je voulais revenir sur les propos de votre correspondant d'origine croate qui vous a écrit. Je ne tiens pas à revenir sur ces propos, même sur ces propos, car concernant le monstre rouge qu'est le communisme, il a tout à fait raison. Je tenais juste à déplorer l'explosion des relations entre Serbes, Croates et Slovènes. Pour moi, les Bosniaques, au sens kebabisé, donc musulmans, ne comptent pas. Étant très souvent en Slovénie et en Croatie, je tenais malgré tout à faire part de positivité, dit-il. Je note... l'existence d'un sentiment communautaire européen et blanc, en laissant de côté les religions qui pour moi ne font que diviser, en parlant un peu avec les gens, j'ai aussi noté que l'unité slave reste toujours présente. Voyant l'africanisation de l'Ouest ou l'arabisation de l'Ouest, la cause commune qui doit être de préserver la race blanche, donc entraîne une espèce de prise de conscience collective. Alors de plus en plus de gens laissent les rancœurs de côté pour le bien commun de l'Europe. D'ailleurs, nous pensons que le salut de l'Europe viendra de l'Est et de l'Europe centrale. Originaire de Voïvodine, région prise aux Hongrois, les relations entre Magyars et Serbes s'améliorent. Il en est de même avec les Croates et les Slovènes. Certes, il est dur de tout expliquer par mail, mais on entend encore trop souvent que les relations sont mauvaises. Je peux affirmer, même s'il reste des nations dans tous les camps qui tiennent à régler leurs comptes avec leurs voisins, que les mentalités évoluent. En tout cas, continuez comme ça, merci pour votre travail. Alors là, il s'exprime en serbe, je ne pourrais pas le prononcer correctement. C'est Zelim Vam Zve Naj Bolje. Pardonnez-moi, j'ai un accent serbe horrible. Voilà. Alors merci à cet auditeur de réagir. Bon, c'est un peu la suite, je pense. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire particulier, mais voilà, c'est la réponse à notre auditeur croate qui voulait faire. Qui veut peut-être... Petite note, si tu veux, c'est effectivement les pays d'Europe de l'Est ou des Balkans, hein, par l'exemple ou le contre-exemple français, hein, qui c'est où les terres nègres et la religion d'État, les terres nègres avec dominante islamique, bien entendu, ben ça c'est un élément qui sert à fédérer contre En négatif. Les nations qui étaient auparavant divisées sur pas mal de sujets, qu'ils sont toujours d'ailleurs, mais il y a une certaine unité qui peut se faire en opposition à ce que peut représenter la République française, par exemple. Oui, je voulais juste rajouter une chose. Oui, vu que notre auditeur est franco-serbe, ça me faisait penser à l'Albanie, parce qu'il y a 2 semaines, on avait parlé pas mal des conflits balkaniques et du fait que beaucoup de ces conflits sont largement chauvins, ce sont des règlements de compte entre voisins, parfois entre petits pays, qui sont basés sur des arguments sur « oui, il y a une guerre il y a 100 ans, il y a 200 ans, etc. » Mais le conflit serbo-albanais n'est pas exactement similaire, parce que je me disais, bah, d'une part, l'Albanie est un pays musulman, c'est un pays qui est apparemment essentiellement blanc, quoique mélangé de turcs, même si les Albanais n'aiment pas trop l'admettre, mais c'est un pays qui a choisi l'islam comme sa religion, attention, à l'échelle nationale. Je veux juste préciser un truc, parce qu'en Albanie, tu as aussi une minorité catholique. Tous les Albanais ne sont pas musulmans, je veux dire. Bah justement, j'ai rencontré quelques Albanais, et ils étaient tous soit musulmans, soit issus de familles musulmanes. Et justement, ils sont assez mal à l'aise avec ça, parce que j'ai déjà vu des Albanais qui étaient de nos milieux, entre guillemets, et même certains qui étaient déjà là lorsque la Serbie était un peu à la mode, et qui essaient de se justifier en disant « oui, mais bon, même si on est musulman, mais on est albanais avant d'être musulman, on se marie avant d'être albanais, enfin on se marie entre albanais, pardon, donc on mélange pas notre sang et en fait on se métisse moins que les blancs », mais tu voyais qu'ils étaient un petit peu assis entre deux chaises, et je me dis pour eux, C'est effectivement difficile de renier ce côté musulman, même avec le fait que l'Albanie actuelle soit devenue un espèce d'état mafieux de base de l'OTAN, avec le trafic d'organes qu'on connaît avec Bernard Kouchner. Du coup, dans l'hypothèse où il y a une espèce d'unité balkanique ou slave qui se réalise, je ne sais pas trop comment les Albanais arriveraient à se mettre là-dedans. Enfin, quoique, la politique, c'est l'art de la conjecture, donc va savoir. Tout est possible. Je crois pas que ça se fera parce qu'ils ont déjà essayé, ça s'appelait la Yougoslavie, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne crois pas. Mais ceci étant dit, s'ils arrivent à se mettre. Enfin, je pense que de toute façon, il faut que les nations européennes, les peuples européens, se serrent les coudes. Hein. Voilà. Hein, mais comme disait Derrick, en gros, hein, comme il... Parce que progressivement, ça c'est un acquis progressif, surtout avec les médias, etc. Ils commencent. Dans ces pays-là, ils commencent, même je pense que c'est bien avancé, ils commencent à découvrir que, en fait, hein, le paradis occidental comporte certaines contraintes, dont celle de se faire totalement négrifier et islamiser. Alors évidemment, en Albanie ou en Bosnie, l'islam n'est probablement pas un problème pour eux, mais je ne suis pas certain que les Bosniaques aimeraient se faire recouvrir de nègres chrétiens, par exemple, de Congolais. Je ne suis pas sûr que ça se passerait très très bien. Donc voilà, pour moi, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit par contre l'auditeur. C'est vrai que, par exemple, l'affrontement entre orthodoxes et catholiques, l'affrontement, bon, les Bosniaques qui sont quand même de race blanche, etc. Je veux dire, le facteur religieux, en fait, sème plus la zizanie qu'autre chose. Hein, voilà, et puis, donc bon. Ces querelles frontalières, même si je les comprends, paraissent quand même très très très très secondaires par rapport à ce qui se joue en ce moment même. Surtout quand vous regardez où était la route d'invasion des migrants du Moyen-Orient, elle a transité dans les Balkans. Hein. Ils sont passés par la Macédoine, par la Serbie, par la Croatie, y compris ils ont essayé de rejoindre la Hongrie pour aller en Allemagne. Je veux dire, donc ça se passe aussi quand même chez eux. Alors ils restent pas chez eux, mais j'ai envie de dire pour le moment. Il n'y a rien qui dit que dans 20 ou 30 ans, ceux qui arriveront décideront pas de rester chez eux, quoi. Bon, à mon avis, dans les Balkans, ça se passera mal, parce qu'ils ont des traditions un peu spéciales et... Ouais, voir quand même que ces pays-là sont des pays qui vivotent, hein, au niveau Ouais, économique. ouais, ouais, C'est, ouais. qui sont sous assistance respiratoire, quoi. Bon, on a la Bulgarie qui est dans l'Union européenne, c'est... Je crois que la Bulgarie, c'est le pays le plus à la rue au niveau économique, hein, dans l'Union européenne. C'est presque le tiers-monde. Hein. Bon, Bah, c'est des, c'est, pas disons que c'est, en c'est des, particulier. c'est des pays qui ont été pendant 50 ans sous le communisme. Ça façonne des mentalités, ça Ouais, joue mais même avant le pas. communisme, je ne sais pas s'il y avait. Non, c'était pas des cœurs économiques, mais c'est sûr que si. Après, bon, là, ça c'est une autre discussion, mais est-ce que justement le fait de vivre un peu chichement, comment dire, frugalement, ça les protège pas un peu de la dégénérescence qui existe en Europe de l'Ouest? Je pense que si. Peut-être, peut-être. Hein, quand t'es pas. Parce que c'est ça au fond. Hein. Encore que, hein, parce que quand on regarde les Grecs qui ont été mis à la diète, j'ai pas eu le sentiment qu'ils aient basculé dans l'ultranationalisme, hein, loin s'en faut. Hein. Alors après, on peut discuter parce que. La société grecque, pas les partis grecs, mais la société grecque, témoigne d'une certaine forme de racisme. Mais c'est très ambigu, parce que paradoxalement, vous avez Athènes qui a été transformée en point d'accueil des Pakistanais, etc. Enfin, je sais pas, tout ça est très curieux. Par contre, ils étaient vraiment prêts à envahir la Macédoine en raison de leur nom. Ça, je trouve ça assez fascinant, ça. Ils ont réglé ça à l'amiable là, récemment, mais ils pouvaient faire des manifestations de masse, hein, vraiment de masse, en Grèce, pour contester la légitimité du nom Macédoine à la Macédoine. C'est pour vous dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, la Macédoine s'appelle Macédoine du Nord C'est de ça, manière voilà. officielle, Ouais. donc ça va, quoi. Et là, ça va. Vous n'auriez. Il y a eu des. 40 ans, se foutent sur la gueule pour ça, quoi. C'est C'est ça, ouais. ridicule. Et ils ont fait des grandes manifestations avec des centaines de milliers de personnes dans les rues. Bon, vous pouvez toujours attendre avant de voir des centaines de milliers de Grecs défiler dans les rues pour stopper l'invasion musulmane. Ça n'existe pas. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils vont construire, je ne sais pas si les travaux ont commencé ou si même elle a été finie, mais la construction d'une mosquée à Athènes. Bon, ce sont des gens quand même qui se sont libérés du joug ottoman. On revient un petit peu à... On parlait d'Albanie, bon, il y a eu l'occupation ottomane pendant quand même 5 siècles. Ils s'en sont débarrassés au 19e siècle. Bah, visiblement, ils ont l'air de vouloir réaccueillir leurs amis musulmans. Je trouve ça étonnant, je trouve ça surprenant. Donc, voilà. Pour moi, ces questions, si vous voulez, de chauvinisme dans toute cette région-là, donc de l'Europe, de l'Europe du Sud-Est, là, pour moi, elle est vraiment incapacitante dans une certaine mesure. Ceci étant dit, bon, l'Europe de l'Ouest, quand on regarde son état, hein, bon, voilà, je veux dire, ce type de nation... Bon, encore que, hein, je veux dire, c'est quand vous voyez des gens comme Asselineau, l'UPR, etc., qui vous disent que le Graal, c'est le souverainisme café au lait. Je crois que c'est la pire forme. Je préfère encore, vous voyez, le petit nationalisme serbe ou le petit nationalisme croate au petit nationalisme français, parce que le petit nationalisme français, c'est du petit nègre, en fait. Donc, à tout prendre, je préfère encore celui des Balkans. Mais bon, voilà. Quelqu'un veut-il dire quelque chose de plus? Pas particulièrement? D'accord. Alors, on passe au deuxième courrier. Alors, chers démocrates participatifs, je reprends mes dons mensuels cette fois-ci avec 0.3 Monero et vous confirme au passage que les échanges Bitcoin Monero fonctionnent toujours sur Changely. Ben, on a la réponse. Donc, la plateforme Changely permet toujours de changer très facilement donc des bitcoins contre des Monero. Voilà. Alors, ne grattant pas les aides sociales, mes moyens financiers sont très limités en ce moment, mais je m'en voudrais si l'émission s'arrêtait faute de moyens. Donc, merci, hein, cher auditeur, de nous soutenir. J'en profite pour répondre à votre auditeur dont vous avez lu le courrier lors de la dernière émission et qui évoquait les prestataires informatiques marrons. Étant moi-même dans le métier, cela fait 10 ans que je constate le manège, cette vermine s'incruste dans tous les domaines. Tout d'abord, les boîtes de services, comme l'a décrit votre auditeur, ont fait venir des Tunisiens non nationaux, le temps de les former, puis ils répliquent le projet dans leur pays. Enfin, le bureau français ferme ses portes. Il m'est arrivé à cette occasion de voir des musulmanes débarquer voilées dans nos bureaux, particulièrement fiers de cracher sur la France à tout bout de champ. L'une d'entre elles avait même nommé un des outils de son équipe GTA, ce qui faisait ricaner mes cocus de collègues. C'était en 2013, juste avant la vague d'attentats. Ils ont depuis été grand remplacés. Ensuite, dans le monde de la sécurité informatique, les bougnoules ne manquent pas non plus, s'apprêtant à hacker à tour de bras et mettre leur talent au service du califat, même les femmes. Combien d'articles et forums ne trouve-t-on pas ponctués de « Allah Akbar » comme ici. En y regardant de près, aucune de leurs démos ne fonctionne, car comme toujours avec ces populations, ces frimes avant tout, le mensonge n'a aucune importance. Enfin, dans le domaine des start-up, des bourgeois qui déclarent la main sur le cœur que l'immigration c'est génial, que les attentats de Charlie, on n'est pas encore sûr qu'ils soient musulmans, ou qu'ils ne ratent jamais l'occasion de faire un anglicisme. Il y a aussi ce centre de formation à Paris qui s'appelle The Family, et qui propose des cours sur la conception web pour les entrepreneurs. Ils ont refait la déco façon bougnoule, tapis, plantes tropicales, on y sert le thé sous la véranda. Ça grouille de cafards, on se croirait dans une mosquée. Je fais l'impasse sur le problème des Indiens, musulmans aussi pour beaucoup, qui prétendent faire du développement web et SEO d'excellence à 5$ de l'heure. J'aurai aussi quelques anecdotes sur mes années passées en banlieue, mais je suis trop long et j'écris mal. Mes amitiés à Titus, Fulbert, Déric, Pierrot, Magdav, Gandalf. Et c'est Sobieski qui nous écrit. Alors, oui, c'est la continuité de l'article de la semaine dernière, hein, donc sur le grand remplacement en fait des cadres. en informatique. Quelqu'un veut réagir à ce qu'il nous dit, même si on avait déjà pas mal parlé de ça? Ouais, je vais parler d'un petit exemple qui est assez connu dans le monde de l'informatique. C'est l'exemple de la boîte Capgemini, donc l'énorme boîte Capgemini que tout le monde connaît, qui est une société de services, une multinationale, qui en gros a décidé d'externaliser ses emplois en Inde. Ils communiquent beaucoup là-dessus, ils sont très fiers d'avoir ça. Et c'est marrant en fait parce qu'il y a récemment, je crois il y a environ 2 semaines, j'ai vu des articles là-dessus d'anciens de Capgemini qui expliquent à quel point, en fait c'est des mecs qui sont en France quoi, ils doivent gérer des Indiens et c'est juste impossible quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils changent d'emploi toutes les 2-3 semaines, ils sont pas fiables, Ils sont tout le temps à la bourre, ils comprennent rien, ils sont tout le temps en train de dire oui, je vais le faire, je vais le faire. Ils le font jamais, c'est absolument insupportable. Mais en fait, quand tu regardes leur cursus de formation, c'est juste énorme, quoi. Ça rejoint une discussion qu'on avait déjà eue, une précédente discussion sur les autres cadres il y a très longtemps, où finalement les types, ils ont entre guillemets, un bac plus 5 équivalent, mais qui vaut un brevet des collèges, quoi. C'est complètement. Alors, les mecs de Capgemini, ils sont contents parce que du coup, c'est des Indiens, ils sont anglophones, mais dans la pratique, ça marche pas du tout, quoi. Non, mais essayez-vous de vous imaginer. Je sais pas, vous êtes cadre dans l'informatique et tout, et vous devez quand même de gérer 5-6 Indiens qui ont un niveau enfin de gamin, quoi. Ça doit être insupportable. Ouais, évidemment. Ouais. Qui d'autre veut faire peut-être un petit commentaire sur ce grand emplacement? Pas vraiment. Oui, alors Ouais, ça vas-y, tombe bien tu d'ailleurs. Oui, ça tombe bien d'ailleurs, Pierrot, que tu parles d'Indien, parce que j'ai un peu d'expérience avec les Indiens. Alors cette fois-ci en tant que client, parce qu'il y a des boîtes indiennes dans certains domaines, informatique et liés, qui essayent de jouer sur le fait que leurs employés à eux sont moins chers. Pour proposer des prestations à distance à des entreprises européennes pour moins cher, enfin pour le tarif indien. Sauf que je pense que les Indiens de ces boîtes savent en fait que leurs propres compatriotes bossent mal, parce que les mêmes Indiens vont sur des sites de freelance pour essayer de chercher des Européens, de préférence débutants, qui vont accepter un tarif vraiment à l'indienne, pour bosser pour eux, donc pour fournir un travail de qualité européenne en étant payé à l'indienne. Et alors ça m'est arrivé en fait deux fois de travailler pour des Indiens, alors quand j'étais vraiment débutant, enfin il y a des années de ça. Et alors ça s'est toujours mal passé. C'est que déjà ils payent très mal parce que le tarif indien c'est extrêmement bas. Mais le peu qu'ils payent, par exemple ça les dérange pas de payer pour 20 $ une journée de travail. Mais même ce peu, ils vont essayer de pas le payer. C'est que sur le site de freelance, ils vont payer la moitié en escrow. C'est-à-dire ils vont mettre la moitié de l'argent en réserve et dire hey, pas de souci, je te mets les 10 $ après quand t'as fini. Et puis en fait quand t'as fini, ils disparaissent et tu n'as plus que 10 $ sur les 20. Donc non seulement ils te payent très très mal, mais en plus ils essayent, tels les Arabes, de ne pas te payer après. Donc, oui, ces Indiens dans l'informatique, c'est effectivement une plaie. Ouais, je l'ai souvent entendu. Bah, dans un autre domaine, vous prenez l'armement. Les Russes ont négocié des, comment dirais-je, des contrats d'armement très importants avec les Indiens. Notamment, comment dirais-je, la conception d'avions. La conception d'avions, même, je crois, de tanks, mais en tout cas d'avions. Et parmi ces contrats, il y a toujours la demande de la part de l'Inde d'installer des usines, enfin d'installer la production ou une partie de la production en Inde, c'est-à-dire de donner du travail à des Indiens, en gros, quoi. Bon, vous allez me dire, et de faire du transfert Transfert de technologie, ouais. de transfert de technologie. Là. Bon, ça peut être assez légitime, je veux dire. Après tout, c'est des clients, les mecs ils disent bon bah voilà nos conditions, est-ce que vous acceptez? Les Russes avaient accepté. Ils n'ont jamais pu sortir un seul avion d'aucune ligne de production. Ils n'ont jamais pu. C'est-à-dire que les Russes avaient dit d'accord, transfert technologie, création d'usines sur place, etc. Et ils avaient même envoyé leurs ingénieurs sur place pour former les Indiens. Il n'y a jamais eu aucun avion qui est sorti de leur truc. Ils y sont jamais arrivés. Et comment dire, c'est la foirade garantie. C'est la foirade garantie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des ingénieurs blancs. Et des assistants permanence pour surveiller tout ce qu'ils font, vous n'arrivez à rien. Or, l'idée du transfert de technologie, c'est que vous leur montrez le truc, et ensuite vous rapatriez vos gars, et voilà, ils se débrouillent. Et non. Et c'est tout le temps comme ça avec les Indiens, et ils font des pieds et des mains pour exiger ce type de transfert, et ça marche jamais, et ils ne se posent jamais la question de savoir pourquoi ça marche pas. Jamais. Donc ils font des contrats extrêmement merdes, c'est pour ça que c'est très merdique en fait de. On attend de voir si les rafales qui ont été vendues à l'aide vont être construites sur place. Ça risque d'être rigolo de voir des Bah, rafales construites en aide. je serais très curieux de savoir quelles vont être les conditions de cette fabrication, effectivement. Je serais très curieux de voir comment ils vont se débrouiller. Mais je serais pas surpris qu'en fait ces fameux avions construits en Inde soient d'abord avant tout construits par des ingénieurs français qui sont déplacés en Inde. Mais bon. Je rappelle que le QI moyen de l'Indien est équivalent au QI moyen du Maghrébin. Voilà. Ceci peut expliquer cela. Voilà. Alors il y a aussi un phénomène que les gens connaissent pas. C'est qu'en Inde, tout hindou que soit l'Inde, bon, je rappelle qu'ils considèrent que les vaches sont des déesses, hein, pratiquement. Bon, Oui. non mais Non, pas pratiquement, hein. Ce sont des oui. divinités, les vaches. Voilà. Bon, Bon. Mais c'est oublié un peu vite qu'il y a 100 millions de musulmans en Inde. Je parle pas du Pakistan, je parle pas du Bangladesh, je parle bien de l'Inde. Il y a 100 millions, il y a 10% de la population indienne qui est composée de musulmans. Alors quand vous voyez les créatures en question, c'est pas génial, hein, quand même. Pas génial. Hein. Enfin voilà, donc c'est... Oui. C'est... On en parle assez peu, finalement, de ce recours... de ce dumping social qui maintenant de plus en plus en fait est un dumping racial organisé avec l'Inde effectivement. Dans les métiers de l'informatique c'est terrible. Hein. Et c'est vraiment un constat unanime, c'est ce que vous avez dit, vous l'avez très bien expliqué quoi. Mais c'est un constat dans tout le monde occidental, enfin quand vous vous intéressez à ça, que vous voyez des gens qui sont des ingénieurs, ça peut être aux États-Unis, ils disent les Indiens c'est juste affreux. C'est vraiment affreux quoi, ils n'arrivent à rien quoi, ces gens n'arrivent à rien quoi. Enfin bon. Voilà. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ou je passe au courrier suivant? Oui, je me disais, l'Inde, on l'oublie, mais en fait, c'est un pays qui est grand remplacé parce qu'à la base, l'Inde, ça avait été quand même créé par les Aryens qui étaient venus du nord et qui avaient envahi le sous-continent indien il y a plusieurs millénaires de ça. Mais l'Inde était aryenne à une époque très reculée où c'était la fameuse Inde védique. Et en fait, les Aryens d'ailleurs avaient adopté des lois de caste très strictes pour protéger leur sang des Dravidiens, des indigènes, mais malheureusement ça a échoué. Et en fait l'Inde actuelle, c'est l'Indien moyen, s'il a 10% de sang aryen peut-être, il peut être content. En fait l'Inde est un pays massivement grand remplacé de l'intérieur, et les Indiens actuels sont pour la plupart essentiellement des Dravidiens, avec une espèce de version un peu dégénérée du védisme, parce que le fameux hindouisme dont ils se prévalent, ils l'ont pas inventé, c'est un espèce de reflet très très lointain du védisme aryen à la base, ouais. Mais oui, considérablement devenu beaucoup plus dans l'animisme, dans une espèce de sorcellerie, ouais, qui ressemble un peu à ce qui se fait en Afrique. Enfin, oui, c'est un pays qui a été grand remplacé. C'est un bon exemple de ce qui se passe après un grand remplacement, ce que l'Inde est devenu. On en avait parlé un peu dans une émission précédente là, de ce qui s'était passé avec l'invasion mongole, l'invasion islamique. Ça vaut le coup d'être étudié, hein. Donc faut bien comprendre qu'il y a plusieurs strates, et là il y a beaucoup de tensions entre musulmans et indiens, notamment avec les Pakistanais, mais faut voir d'où ça vient, parce que ils ont été réduits en esclavage, hein, on en avait parlé. Là aussi, vous savez avec l'attentat qu'il y a eu là récemment à la préfecture de police de Paris, comment dire, vous savez, vous avez les éternels débats sur les plateaux de télévision ou à la radio, mais surtout à la télévision. Vous avez toujours les cons de gauche, progressistes, ou alors vraiment les arabes de mauvaise foi qui disent « Non mais ça n'a pas de rapport avec l'islam, etc. Le djihadisme... » Ou alors ils essayent de dire que le djihadisme, c'est une déformation de l'islam, on ne sait pas trop d'où ça vient, alors qu'on sait très bien d'où ça vient. Et vous dites « Non, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. L'islam ne tolère absolument pas ce type d'agissement. » Et en fait, quand vous regardez l'histoire de l'islam en Inde, pour ne parler que de ce pays, vous vous dites « C'est bizarre, parce que en fait, le djihadisme, qui est censé être une déformation très récente par des extrémistes de l'islam, en fait, ressemble trait pour trait, mais, comment dirais-je, à dose homéopathique, aux événements qui se sont déroulés lors de l'invasion islamique de l'Inde. Parce que alors là, si vous voulez, des horreurs à grande échelle, des massacres de masse, c'est ce qui s'est passé. Et je trouve en fait que le djihadisme est finalement il est pas si récent que ça, quoi. Alors l'Inde, oui, c'est un pays qui regorge de diversité. Je suis pas certain en fait que l'expérience a été concluante, en tout cas du point de vue des indigènes, qui maintenant ont une dent très dure contre les musulmans, dont ils ont réussi à se défaire. Bon, voilà. Donc là aussi, de quoi méditer peut-être en France. J'ai parlé. Vous avez remarqué, la France a cette capacité en 2019, quoi, enfin au 21e siècle, de cristalliser le pire de toutes les expériences historiques connues depuis ces deux millénaires. Vous voyez, ouais, donc c'est l'universalisme français. Non, c'est parce que je veux dire que si vous prenez le pire du communisme, vous allez retenir par exemple l'ex-Yougoslavie. Voilà, qu'est-ce que peut être un État fondamentalement dysfonctionnel qui finit en guerre interethnique? Vous prenez la Yougoslavie communiste. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la France. Après, vous dites, bon, je vais regarder qu'est-ce que peut donner le miracle de l'islam. Vous allez vers l'Inde et vous voyez que les types ont mis quand même des siècles à se débarrasser des musulmans. Ils sont encore 10% chez eux et il y a toujours de très fortes tensions. Et je ne parle pas du Pakistan voisin, hein, qui est le fruit, en fait, d'une partition de l'Inde sur base religieuse sous l'influence de l'islam et du Bangladesh. Donc, ils n'en sont toujours pas sortis. Et vous voyez que la France est aussi occupée à se repeupler de musulmans, par exemple. Et comme, je veux dire, comme c'est sans fin, vous regardez ce qui se passe en Syrie, là, récemment, avec l'invasion au nord de la Syrie par l'armée turque, et les tensions entre les Turcs et les Kurdes. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez Strasbourg, l'actualité, vous voyez que les Kurdes se battent avec des Turcs dans les rues des villes d'Alsace. Donc là encore, vous voyez, on a le privilège d'avoir une reproduction sur le territoire français du laboratoire syrien. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. C'est fascinant comment la France réussit sur son territoire à reproduire le pire de ce qui s'est fait partout ailleurs. Je sais même pas comment c'est possible. Donc on a le pire de tout, hein, voilà, le système antiraciste communiste coercitif à la Yougoslave. On a une future guerre de religion extrêmement sanglante dans un avenir qui reste à déterminer sur les bras. On a des guerres interethniques qui ne concernent pas les Français, c'est-à-dire vous avez des minorités qui entre elles règlent leur compte parce que dans leur pays d'origine ils sont en train de se battre, etc. C'est incroyable. Et on a réussi à créer aussi, ça c'est fascinant, on a réussi à créer en France une question nègre. Les Américains ont mis des siècles à essayer de canaliser cette question. Vous savez, ils l'ont créé eux-mêmes, je suis d'accord. Hein, ils ont fait venir des nègres, avec l'aide de certains trafiquants juifs d'ailleurs. Mais ils ont quand même importé des nègres. Bon, ils ont quand même réussi à les plus ou moins les calmer. Leur natalité est plus ou moins contrôlée. Bon, ça se fait pas à peu de frais. Et il y a quand même une négrification culturelle. Bon, mais quand on voit ça, hein, après des siècles et des siècles, vous voyez que l'Amérique a toujours du mal avec ses Noirs. Qu'est-ce que fait la France? Elle crée une question noire ex nihilo. C'est-à-dire qu'elle importe des millions de nègres, les nègres font les nègres et commencent à vouloir, commencent à alimenter des tensions raciales contre les Blancs, y compris aussi parfois contre les Maghrébins. Ça donne des produits assez intéressants au plan politique, comme la Ligue de Défense Noire Africaine, hein, qui s'en prend notamment à... comment s'appelle-t-il, le maire de Levallois? Balkany? Balkany, oui. Bon. La France a créé une question noire sur son territoire. Donc ce qui va nous amener encore, enfin sauf si c'est réglé d'une manière différente, mais ce qui va nous amener pendant des siècles et des siècles et des siècles de coexistence extrêmement violente. Parce qu'à la différence des Américains, là ils ont relâché la bride sur les Noirs aux États-Unis, ces 50 dernières années, on voit ce que ça donne d'ailleurs. Mais ils ont quand même eu l'opportunité pendant 3 siècles de les domestiquer à minimum. En France, ils arrivent tels quels d'Afrique, ils sont absolument pas domestiqués, ils sont en plus pour beaucoup des musulmans, et ce sont d'anciens colonisés, donc ils ont la revanche à cœur. Okay. Je vous assure que c'est fascinant. Je sais pas, là je serais curieux d'avoir votre point de vue juste là-dessus. Je ne trouverais pas ça étonnant. Ah si, si, la France c'est une réussite républicaine. Elle a réussi à condenser le pire de tout. Oui, et en plus, parce qu'on peut encore en rajouter, il y a le fait que la Sorbonne, par exemple, à Paris, c'est là qu'ont été formés. Je me demande si Ho Chi Minh n'avait pas fait ses études à la Sorbonne avant de revenir au Vietnam et de faire ce qu'il a fait. Mais pareil, il y a des noirs, des grands marxistes noirs, dont j'ai oublié les noms, peut-être Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Je suis pas sûr, mais en tout cas, des gens comme ça ont été formés à la Sorbonne. La Sorbonne et Paris, le quartier latin, ont formé des légions entières de marxistes qui sont allés joyeusement tuer du blanc dans leur pays d'origine et qui ensuite ont laissé un héritage de rancœur anti-blanche. Vous nous avez colonisés, qui nous revient ensuite par l'immigration joyeusement voulue par les élites françaises. Quoi. C'est magnifique, c'est absolument fascinant. Il faut vraiment méditer là-dessus. Alors, donc, elle cristallise le pire de toutes les expériences historiques qu'on peut observer dans d'autres pays. Là, ce que tu dis, c'est la matrice universitaire française et éducative française, éducative étant, hein, je suis très généreux aujourd'hui, produisant ce qu'on a pu voir durant ce siècle. Alors tu dis, est-ce que Ho Chi Minh est passé par Aswan? Je ne crois pas. Par contre, il est resté un bon moment à Paris, où il a été formé par le Parti communiste français, enfin français entre guillemets. Hein. Mais il y a aussi des gens comme les cadres des Khmers rouges. Pol Pot a été formé à Paris, hein, faut pas l'oublier. Il avait étudié l'électricité à Paris. Dans le cadre d'un échange de formation professionnelle, et là il a fréquenté en fait toute une diaspora khmer, et c'est là que, sous l'influence du Parti communiste, ils ont créé en fait ce qui deviendra le Parti communiste cambodgien, et puis comme ça toute une série. Donc cette matrice communiste là, elle est bien en place, et je sais pas si vous avez remarqué ça, là il y a Piketty qui est un économiste qui est très influent. Il est tellement influent que, parce qu'on parle d'exportation du communisme, c'est pour ça que je viens vers ça, la France a réussi à coller Piketty dans les pattes d'Elizabeth Warren. Alors vous allez me dire, c'est qui Elizabeth Warren? Elizabeth Warren, c'est une des candidates à la candidature pour l'élection présidentielle américaine de 2020. C'est-à-dire qu'il y a une primaire à gauche au Parti démocrate, et Warren a des chances très réelles de devenir celle qui va recevoir l'investiture du Parti démocrate. C'est pas fait, donc... Il y a Joe Biden à côté, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais Elizabeth Warren est très à gauche, très très très à gauche, et ses idées économiques, elle les puise chez Piketty, ce que peu de gens savent. Donc les Français ont toujours une influence sur le pire. Piketty, qui est un économiste extrêmement marxiste, hein. Je crois que c'est lui qui veut imposer une taxe mondiale sur à peu près tout d'ailleurs. Il est vraiment très très marqué à gauche. En fait, Piketty, c'est du demi-marxisme, en fait. Il n'ose pas vraiment franchir le cap de la collectivisation, parce qu'il se dit, bon, ça, non, c'est un peu trop grillé. Par contre, on va taxer tout le monde à mort. Mais vraiment à mort, tu vois, on va vraiment, ça va être la solution. Bon, là, je m'écarte un peu, mais c'est pour dire que vraiment, en France, il y a une capacité vraiment à tout accélérer pour le pire. Pour le pire, et notamment Piketty, quoi. Voilà, Piketty, ça c'est la dernière production hein, de l'université française. Voilà. Alors on s'écarte un peu du sujet de base, hein, parce qu'on parlait du grand remplacement évidemment dans les grandes entreprises, et on parlait aussi du fait qu'il y avait de plus en plus d'Indiens à venir, ou la tiers-mondisation des entreprises de services, etc. Moi j'observe que la France a un don particulier. C'est peut-être pour ça qu'elle est la fille aînée de l'Église, je n'en sais rien, mais il y a une élection tout à fait particulière, hein, selon moi. C'est marrant ce que tu dis, Gandalf, parce que juste cette dernière phrase, ta petite digression, les gens qui professent la fausse doctrine France fille aînée de l'Église, moi je me marre toujours parce qu'en fait, pour les catholiques convaincus, tu remarques en fait le nombre d'hérésies formelles hein, pour les catholiques. Ouais. Qui sont venus de France, mais juste il y en a à foison, quoi. Donc c'est assez cocasse comme petit clin d'œil. Allez, en premier lieu, le gallicanisme, tiens, voilà. Ah ouais, et si on peut faire toute la liste, hein, franchement, il y en a pas mal. Mais il y a beaucoup même d'erreurs philosophiques qui viennent de la France aussi. Hein. C'est de là que ça vient, c'est vraiment... Marx a été convaincu de sa théorie, notamment par la Commune de Paris. Et par la terreur aussi, ça l'a beaucoup inspiré. Enfin, la première commune, la commune insurrectionnelle de 92, en fait, ça l'a beaucoup inspiré. Vous voyez. Donc, on se rend même pas compte, nous, on manque peut-être de recul, d'ailleurs, en tant que Français, de l'influence néfaste qu'a eu la Révolution française sur l'Europe. Mais juste, cette saloperie est venue de nous, mais ça a changé complètement le monde, quoi. Et ça vient de chez nous. Hein. Alors, il y a un truc intéressant là-dessus, ça c'est au plan dialectique, c'est qu'en fait, donc c'est la création de l'État-nation, mais l'État-nation politique, c'est-à-dire, c'est la définition du peuple, donc qu'ils appellent le démos, voilà, est exclusivement politique, c'est-à-dire c'est une adhésion individuelle à un projet politique commun. Bon, ça c'est en théorie. Hein. Il y a une contre-révolution tout à fait intéressante, qui est la contre-révolution allemande, qui va substituer à ces définitions du démos... Une conception réaliste qui est la conception ethnique et qui va donner le nationalisme allemand. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le mouvement nationaliste, donc l'idée nationale, elle est née en France, mais en fait, le terme national est très ambigu. Parce que quand vous... quand c'est, vous voyez qu'en fait elle est motivée par des idéaux comme l'universalisme, les droits de l'homme, l'idée de répandre la révolution sur toute la planète, etc. Bon, et qui se traduit ensuite par l'abolition de l'esclavage, comment dirais-je, les droits égaux accordés aux juifs avec les conséquences qu'on sait, etc. Donc ça, la réaction viendra de l'Allemagne. Donc au sens étymologique, les États-nations comme les États baltes, l'État polonais, l'État slovaque, etc., sont des États nationaux et correctement au sens étymologique, alors que la France, au sens strict, surtout aujourd'hui, quoi. Pour moi, la France, d'ailleurs même l'Allemagne, enfin, ne sont plus des États-nations. Ce sont des États multiethniques. On a basculé dans complètement autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une nation française, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peuple français historique, si vous voulez. Mais la définition aujourd'hui de la nation française, en fait, est tout sauf nationale, en réalité, pour moi. Hein. D'ailleurs, ils préfèrent insister plus sur le terme de république que de nation, d'ailleurs. C'est assez frappant. Enfin bon, voilà, c'est une petite digression. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose, ou bien je passe à la rubrique suivante? Non, au courrier suivant. Passe au courrier suivant. D'accord. Troisième courrier, ce sera le dernier. Cher ami démocrate, cher Gandalf, je voudrais vous raconter ma journée où j'allais suivre une formation à Paris. Je suis médecin et je me suis inscrit à un diplôme en parallèle de mon activité clinique. Seulement voilà, les cours se déroulent dans deux endroits sinistrés de la capitale, proches de la gare de l'Est pour l'un et dans un grand hôpital du nord de Paris, que je n'ai pas cité. Donc, mon périple a débuté sur le quai de la ligne 13 tôt le matin où, à ma surprise, nous étions tous parqués comme des animaux dans l'attente du wagon. Là, de sales nègres décérébrés en gilet orange avaient pour fonction de pousser les voyageurs en répétant de façon lancinante et lénifiante « Oui, bâtissez-vous le long du quai pour assurer votre confort et pour voter sécurité pendant votre trajet. » Quel ne fut pas mon effroi de me voir ainsi gardienné et poussé par ces babouins stupides dans les portes du métro. Je passe les détails du trajet, en lui-même, où un délicieux cocktail d'odeurs, de sueur, d'urine, ainsi que l'agressive musique congoïde m'ont mis sur les nerfs en quelques secondes, achevant l'obtention d'un niveau de stress maximal. Enfin arrivé à destination, je sors du métro, et là, le choc. Il faut parcourir 200 mètres à pied pour arriver à l'hôpital, et les rues sont dignes d'un bidonville. Crasseuse, emplie de trafiquants de cigarettes, de toxicomanes, de négresses en boubou, de vieux maghrébins, d'enseignes de kebab et de boutiques miteuses de portables, d'envois d'argent au pays. Arrivé devant l'hôpital, c'est encore pire. Je suis évidemment le seul blanc, et toutes les personnes de complexion cutanée couleur caca me dévisagent. Je suis bien devenu un intrus dans mon propre pays. Mon niveau d'effarement a encore franchi un palier quand je me suis rendu compte que tout le personnel d'accueil de la faculté de médecine, situé sur le site de l'hôpital, était constitué de gens plus français que moi, avec leur nonchalance antillaise, leur ignorance proverbiale, leur impossibilité cognitive de me renseigner de la salle précise de ma formation. Étais-je dans une faculté à Yaoundé ou Djibouti ? Non, c'était bien la France, un pays où, il y a quelques décennies, des poilus ont donné leur vie pour perpétuer leur race. Chers amis démocrates participatifs, j'arrête ici ma description de l'expédition en brousse au cœur de Paris où le danger et la puanteur nègre sont partout. Je vous remercie encore pour vos efforts pour éveiller, souder les blancs et vous prie de penser aux quelques démocrates qui sont encore obligés de vivre à Paris. Heureusement, cela ne durera qu'un temps car mon exil en province est prévu pour l'année prochaine où j'espère bien vivre loin du système soviétique d'entretien de toute cette dégueulasserie du tiers-monde. Le plus cynique étant qu'en tant que médecin, les prélèvements fiscaux et les impôts étranglent mes revenus à des niveaux insupportables et indécents, et cela me révolte de soigner des nègres pour recevoir mon salaire dont une outrageuse partie est ponctionnée pour nourrir et faire venir toujours plus de nègres. Un cercle infernal. Force à vous, salutations, et c'est E.M. qui nous écrit. On le remercie, on l'encourage, je tiens vraiment, cher auditeur, à vous encourager. Vous arriverez à vous en sortir, ne vous en faites pas. Patience, l'année prochaine, c'est l'année de la libération. Ceci étant dit, peut-être que Derrick, cardinal, s'il en est de l'église, comme vous le savez, de négrolatrie, n'aura peut-être pas... Négrologie. Ça t'aura peut-être pas tellement plu, hein, les critiques contre le fait que l'argent des Français est utilisé pour faire venir plus de nègres. Écoute, finalement, ça fait prospérer ton église, donc je sais pas si tu seras... Oui, je ne comprends pas ce que notre auditeur a contre le denier de l'église. Quel est au juste le problème, cher ami? Tu ne veux pas t'acquitter de ces biens qui te pèsent, hein? Libère-toi, libère-toi, cher ami. Alors, qui veut réagir à ce courrier? Il y a deux choses en fait. Il y a un petit peu, voilà. Enfin, c'est la partie, comment dire, formation professionnelle dans le monde, dans l'univers de la médecine. On avait eu aussi un courrier extraordinaire de quelqu'un dont la femme avait accouché dans un grand hôpital parisien et qui nous avait raconté son périple. Ça m'avait beaucoup marqué. Oui. Donc, on peut avoir cet aspect-là ou simplement l'aspect vivre à Paris, quoi, vivre et travailler à Paris dans les transports en oui. commun et subir ça, quoi. Voilà. Oui, le premier, comment dire. Le premier point qu'a abordé notre auditeur, c'est la ligne 13. Hein, la ligne 13, où apparemment, on se trouve là dans un camp de concentration. Oui, où, oui, oui, oui. Où les capots sont des espèces de machins créoles, hein, des Français, qui t'invitent à te répartir le long du quai, hein, pour ton confort et ta sécurité. Hein, Bon, moi j'admire, si tu veux, j'admire les gens qui peuvent supporter ça plus d'une fois, hein, qui supportent ça tous les jours. Moi, c'est vraiment hors de mes capacités pour le coup. Donc, écoute, cher auditeur, bravo à toi. Oui, juste une chose, alors pour notre auditeur aussi, c'est que. On est en train de basculer vers l'automne et vers l'hiver, et quand on vit à Paris, c'est quand même important, parce qu'en plein été à Paris, on voit des nègres déambuler torse nu, ou même en débardeur, voire pour certains un stringer de muscu, le stringer, l'espèce de vêtement, on dirait un tablier qui se met directement comme un t-shirt. Enfin, ça avait été inventé pour la salle de muscu, où les gens ont quand même un petit peu le droit de montrer leurs muscles chèrement acquis, mais là, non, il y a des nègres qui mettent ça dans la rue et qui adorent montrer leur peau luisante de sueur, ouais. Et en plus qui ont la transpiration facile dans les transports en commun. Alors que, au moins, avec l'hiver qui revient, Paris va sentir un peu moins mauvais, quoi. Donc ce sera peut-être plus facile à vivre pour notre auditeur qui est coincé encore un an dans cette capitale. Il y a un fait qui est incontestable, je veux dire, au plan physiologique, c'est à quel point le nègre pue la mort. Ah oui, rien. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. En soi, déjà, tu vois, c'est un signal qui est envoyé à n'importe quel être humain civilisé, quoi. Dans la nature, les animaux qui ont des couleurs vives ou qui dégagent une forte odeur, c'est un signe de... Voilà, quelque chose qui est empoisonné ou pourri, quoi. Non, mais il faut se les taper dans les transports en commun. Moi, je vois les images, c'est effrayant. C'est effrayant. Hein. Effrayant. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un RER ou bien... Bon, donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'il en est. Oui, non, c'est toujours pareil. J'ai mis les pieds il y a un an, à peu près. Ouais. Ouais. C'est abominable. Abominable. C'est-à-dire que, bon... Même si tu veux, bon, moi qui ai mis les pieds en Afrique, si tu veux, l'Afrique est supportable. Ah ouais, tu es venu à Paris en fait. Ah oui, les transports en commun parisiens, c'est excuse. Non, non. Qui d'autre sur le courrier, notre auditeur? Tiens, Fulbert, qu'en est-il à Bruxelles? Écoute, je pense que ça doit être relativement similaire, mais honnêtement, je n'y mets jamais les pieds, j'évite les villes, et Bruxelles, entre autres. Alors, je n'ai pas d'informations particulières. D'accord. Je me demandais simplement, parce que j'ai souvent entendu, j'ai souvent entendu parler de Bruxelles, mais en mal. Et on entend de plus en plus parler de Bruxelles en mal, vous savez, notamment à cause de Molenbeek. Cette espèce d'enclave, c'est une commune à part entière, hein, Fulbert, je crois pas me tromper, hein, c'est une commune à la base. Hein. Oui, c'est exact, hein. Maintenant... elle est absorbée dans Bruxelles. Quoi. Oui, mais je ne défends pas Molenbeek ou quoi, j'en ai rien à quitter. Ah non, mais je sais bien, je te fais pas de faux procès là-dessus, Fulbert. Ce que je voulais dire, oui. c'est que les Molenbeek était connu déjà dans les années 80-90 pour être un trou à maghrébin, en fait, hein. Mais maintenant, les Français le connaissent, notamment à cause des attentats du Bataclan, puisque la cellule djihadiste qui a commis une partie de l'attaque provenait de ce quartier, et Salah Abdeslam est parti s'y cacher pendant 3 ou 4 mois, je crois, dans sa cavale, et en fait, il ne se cachait pas en réalité. C'est ça qu'on a appris, les médias n'en ont pas trop parlé, mais il ne se cachait pas vraiment. Il allait faire ses courses, il allait au kebab, acheter des frites, etc. Et il y avait la loi du silence, c'est-à-dire que le quartier protégeait ce mec-là. C'est juste pour dire en fait que voilà, le pourrissement racial, même de villes comme Bruxelles, est maintenant quand même connu du public français, enfin de celui qui voit clair, parce qu'il y a quand même un public français qui ne voit rien. Mais voilà, alors bon, retour à Paris. Bon, avec Hidalgo, je pense que ça s'est quand même considérablement aggravé. Maintenant, il y a des rats à Paris, hein. c'est pas un mythe. Maintenant, il y a des rats, même près des lieux touristiques et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Mais, de ce qu'on m'a dit, même maintenant, dans les beaux quartiers, dans les quartiers qui étaient considérés comme des quartiers huppés, des arrondissements qui étaient considérés comme friqués, quoi, on a des mendiants au coin des rues, on a des nègres qui déambulent, voilà. Je sais pas si vous pouvez confirmer, infirmer. Je serais assez intéressé d'une cartographie détaillée de Paris. Vous voyez quels sont les arrondissements les plus pourris. Bon, on les connaît, hein. Bon, 19e, 20e, bon. Mais où ceux qu'on pourrait tenter de décrire comme étant plutôt protégés sont en fait, non, sont déjà bien rangés. Où vont se cacher les juifs aussi, j'aimerais bien savoir ça. Où se cachent-ils? Non, mais où se cachent-ils, ceux-là, tu vois? Ça, j'aimerais savoir. J'aimerais le savoir. Vous savez, est-ce que vous savez pour... Je vais vous donner une anecdote. C'est pour une information sociologique. Hein, voilà, c'est ça. C'est une étude, une cartographie raciale de Paris, ça m'intéresse. Est-ce que vous savez, quand il y a eu l'attaque, enfin pas l'attaque, mais la mobilisation des Gilets jaunes qui prétendaient aller vers l'Elysée, vous en rappelez de ça? Oui. Ils avaient mis tout un dispositif, policiers tout autour, et ils avaient intégré je ne sais plus le nom de la rue, mais ils avaient, c'était assez large. Et en fait, vous savez pourquoi ils l'avaient fait? C'est parce que c'était là où crèche Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire Bernard-Henri Lévy n'est pas très éloigné de l'Elysée en réalité. Et il avait demandé une protection, il a eu. C'est-à-dire qu'ils ont élargi le périmètre pour protéger Sa Majesté Bernard-Henri Lévy, quoi. Donc je crois qu'il a les clés de l'Elysée, justement, Bernard-Henri Lévy. Hein. Je crois qu'il a Le double. Ah bah... ça ne me surprendrait pas. Mais voilà, donc je serais bien demandeur d'une cartographie raciale de Paris. Ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Enfin bon... La description que nous offre notre auditeur là de la situation ne me surprend pas. Par contre, il le dit bien, je suis le seul blanc. Hein. Il dit bien, j'arrive dans le Grand Opéra, je suis le seul blanc. Dans l'hosto. Hein. Dans l'hosto en question, qui est un grand hôpital d'ailleurs. J'ai vu un documentaire, oui, cette semaine, justement, dans des hôpitaux. Mon Dieu, hein, je vais commencer par là parce que c'est vraiment terrible. Tu as des gens, en fait, des personnels soignants, que ce soit les docteurs, les infirmiers, infirmières, etc. Et alors, en veux-tu, en voilà, du nègre, du bougnoul qui débarque, enfin, en général, tu as de l'arabe alcoolique, du nègre fou, ce qui au final revient à une créature à peu près aussi dangereuse dans un cas comme dans l'autre, des Fatoumata qui ont l'œuf, hein, voilà, il y a mal au pied, hein. Bon, Vous avez pas vu cette, on en avait parlé, je pense, c'est l'hôpital où les négresses viennent carrément véler sur le sol de l'hôpital en question. J'ai pas le nom de cet hôpital d'ailleurs. Les nourrissons sont posés au sol dans une pièce de quelques mètres carrés. Ces mères, sans papier, n'ont pas d'autre solution que de rester là, entassées dans cette salle d'attente de l'hôpital où elles ont accouché. Quand j'ai accouché, j'étais dans une salle. On m'a fait descendre ici. Il a accouché 3 jours, on m'a fait descendre ici. Mon enfant a 1 mois. Depuis le 24 août, je suis là. Ils ne nous nourrissent pas, ils ne nous donnent rien. Même l'air pour bébé, on nous chasse. Ici, elles sont près d'une dizaine dans cette situation. Forcées de quitter leur chambre après leur accouchement, elles préfèrent rester là plutôt que de dormir dans la rue. On se couche sur le sol. On n'arrête pas de chercher les associations. C'est qui ici? On n'arrête pas de chercher l'aide pour que les gens viennent à nos secours. Tous les jours, c'est le même rituel. Des appels répétés au 115 et à la clé, La même réponse à chaque fois. Depuis le matin, depuis 8h, j'essaie de vous appeler, ça passe pas. Pour vous, jeune, c'est vraiment difficile. Oui, c'est très saturé. On demande les familles d'appeler dès le matin. Ils ont déjà trouvé quelque chose ? Jamais. Jamais. Non. Depuis un mois. Une situation qui mine le moral du personnel, comme l'explique cet infirmier. On ne peut pas tourner la tête, faire comme si ça n'existait pas. Et on a les larmes aux yeux. Moi, très sincèrement, j'ai honte. Des gens qui viennent aux urgences de la maternité ne comprennent pas que des bébés se retrouvent par terre. On se fait crier dessus et insulter. Ces femmes dépendent des dons des autres patients pour se nourrir, puisque l'hôpital ne leur fournit aucun repas pour ne pas créer un appel d'air, selon les salariés. De son côté, la PHP explique assurer une mise à l'abri temporaire de ces femmes et les orienter autant que possible vers des accueils de jour. La présence de ces femmes au sein de l'hôpital serait due à un manque de places d'hébergement d'urgence en Île-de-France. Au début de l'année, la région comptait au total près de 105 000 places de mise à l'abri. J'ai oublié le nom de cet hôpital, mais les images sont effrayantes, c'est-à-dire que vous avez le hall et vous avez des négresses qui viennent pondre sur le sol. Ouais, en boubou, etc. Arrivé à 8 mois et demi, le truc, il faut qu'il sorte, quoi. C'était c'était à Paris, voilà. Et du coup, permettez-moi peut-être un petit peu de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des urgentistes ? Ça m'intéresse, ça. Ça continue, hein, je crois que le mouvement continue, plus ou moins, de protestation, etc. Bah écoute, c'est tout ça est financé par l'argent public. Ces gens-là, bah parce que les hôpitaux sont remplis de. Alors, soit les vieux, c'est une chose, mais dans les zones où les populations, les zones populaires, comme on appelle ça, c'est rempli de métèques qui n'ont rien. Soit des métèques qui ne sont pas finis, hein, des malformations par-ci par-là, ouais. des trucs, hein, c'est bien connu ça, hein, les nègres qui sont finis pas comme il faut, ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que nous payons des impôts, nous entretenons un système de sécurité sociale. Qui est en fait le système de sécurité raciale, d'insécurité raciale même, dans lequel nous tentons de réparer les nègres. Par le système de santé. Ah, ouais, quelle drôle d'idée. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'est la tikkun olam, il faut réparer le monde. Hein. Oui, c'est une entreprise hébraïque, ce truc-là. C'est vrai. Non, mais je voulais dire, parce que les urgentistes, ils crisent. Bon, tout le monde sait que les urgences sont aujourd'hui saturées. De métèques de toutes les couleurs qui viennent pour un oui pour un non. Mais qu'ils aillent ailleurs, excuse-moi. Là, mais je suis d'accord. Ce qui me frappe, c'est que dans le débat le débat sur la question des urgentistes, parce que c'est beaucoup trusté en fait par des syndicats de gauche, c'est que les mecs réclament du pognon. On veut des moyens, on veut de l'argent, etc. Et en fait, personne ne dit oui, d'accord. Éventuellement, ça peut être une piste de réflexion. Mais et si on commençait par vider les nègres et les arabes qui s'accumulent aux urgences ? Est-ce que si on commençait par le commencement, ça pourrait être intéressant ? Oui, et moi je n'entends pas parler de ça. Donc c'est pour ça que je voulais votre avis sur le mouvement des urgentistes. Le français il est bien élevé. Tu vois, tu l'expliques que si jamais t'as un rhume, faut pas aller aux urgences, tu vas voir ton médecin traitant. Bon, bah il écoute, alors que l'Africain il comprend rien, tu vois. Donc lui il a mal aux pieds, ouais, il va aux urgences quoi. même s'il comprenait, si tu veux, il est en France, c'est-à-dire il est au paradis. Donc dès qu'il a bobo. Le nègre, immédiatement, voilà. il faut que Dieu. Il y a toujours ce compte blanc qui paie toujours. Ben oui. Donc c'est ces gens-là du service de santé qui sont en grève, qui sont tout le temps énervés à droite à gauche. Bon, écoutez, moi déjà, soit vous vous barrez, vous êtes dans le privé, vous allez faire comme tout le monde. Soit vous commencez à déterminer, à parler de ce qui vous gêne vraiment, hein. Mais faut pas venir nous faire pleurer, nous. C'est-à-dire qu'on paye déjà pour ce truc-là, qui ne sert à rien. Hein, la plupart des Français sont en bonne santé. À quelques rares exceptions, on va dire. Mais voilà. Parler des vrais problèmes qui vous touchent. Hein, voilà. Quelqu'un d'autre ? Personne ? On passe à la rubrique suivante. Oui, ouais, vas-y, Titus. Oui, Oui, si, si. Enfin, je reprenais mon micro que j'avais posé. Oui, je voulais juste réagir, Gandalf, sur l'idée très bonne d'ailleurs que tu soulevais de faire une cartographie raciale de Paris et en particulier où sont situés les Juifs. Alors à des fins purement sociologiques, hein, cela va de soi. Oui. Parce oui, que je me disais, notamment, vous vous souvenez de la tribu K, la fameuse tribu K, enfin le mouvement de Kémy Séba, ça avait été interdit. Parce que Kémy Séba était venu avec, je sais pas, peut-être 10 ou 15 de ses congénères rue des Rosiers, et les médias avaient fait « Oui, attentat antisémite, c'est horrible, les heures les plus sombres !» Sauf que Kémy Séba et les siens n'avaient rien fait, en fait. Ils étaient juste venus alors, habillés apparemment de blousons en cuir, enfin voilà, vêtus comme ça de manière un petit peu intimidante, et apparemment ils étaient juste venus se balader comme ça en groupe rue des Rosiers, mais ils n'avaient rien fait. Enfin, peut-être qu'ils avaient mal regardé quelques juifs, mais il n'y avait pas eu de coups, d'agression ou quoi. Enfin, s'il y en avait eu, on l'aurait su parce que les médias en auraient très largement parlé. Enfin, il s'est rien passé en fait. C'est pas un délit de venir déambuler dans une rue en étant à la rigueur mal habillé, même en étant un nègre. Donc là, on voyait vraiment le double standard. C'est que rue des Rosiers, c'est la diversité, mais ça manque un peu une certaine diversité. Moi, je pense que ça manque un peu d'Africains. C'est trop oriental et pas assez africain. Je pense que l'église de Négrolatrie devrait s'implanter plus vers Saint-Paul, vers le Marais, vers la rue des Rosiers. Quoi. C'est plus de diversité du Grand Sud. Je crois que ces quartiers en ont besoin. Ah, pas mal ça. Tu proposes donc de diversifier les quartiers juifs en leur faisant profiter pleinement de la, comment dire, de l'apport, de l'enrichissement culturel africain. Je résume ta pensée, quoi. Je trouve que l'idée est séduisante. Je trouve que l'idée est séduisante. Oui, et puis même le 16e arrondissement aussi. Enfin, c'est un petit peu loin géographiquement, mais c'est pareil. Là, le 16e arrondissement, c'est réputé pour être très bourgeois. Enfin, ça l'est, c'est même très grand bourgeois, mais ces grands bourgeois, c'est aussi des gens qui se sont mélangés aux juifs. Parfois, il y a un siècle, Drummond en parlait déjà dans la France juive fin 19e siècle, pour garder leur statut, parce qu'ils voyaient que les banquiers, les banquiers avec trois parenthèses, étaient en pleine ascension, donc ils voulaient avoir un peu leur part du gâteau. Tout ce coin aussi, Neuilly, d'où vient Sarkozy, c'est très bourgeois, mais c'est aussi très baptisé aux sécateurs, et c'est vrai que c'est des coins où c'est très blanc aussi. Enfin, l'épiderme est blanc, en tout cas. Ça manque un petit peu de diversité du Grand Sud. Je pense qu'eux aussi, il faudrait les faire cracher plus au bassinet pour la mission républicaine et universelle de la France, à domicile. Moi, c'est pas ça faux, me paraît une bonne idée. Faudrait peut-être solliciter Yann Brossa pour un vaste plan de construction de logements sociaux dans les quartiers... Dans les quartiers juifs, hein. Je pense que ça sera... Bon projet républicain. Ouais. Ah, ça, c'est un vrai projet républicain. Puis en plus, ça permettra de faire vivre justement le pacte républicain, quoi. Hein. Moi, je pense que de mettre au contact des séfarades avec, des Soudanais, moi, je pense que ça peut être pertinent. Les Nigériens, de préférence. Ah oui, bah de toute façon, hein, parce que bon, il s'agit quand même de faire parler les gens du livre entre eux. Hein. Donc, voilà. Si on pouvait faire parler des juifs avec des immigrants qui ont eu une éducation religieuse à partir de Boko Haram, moi je suis pas contre. Oui, toi t'es plus du Nigeria, hein. Toi tu. Oui. Je préfère les sources, les fondamentaux. Ouais, les fondamentaux, ouais, c'est vrai. Ouais. Les joyeuseries, hein. Moi je suis un partisan de Boko Haram, vous le savez. Ah, Eric est très attaché au Hadith, hein. Ça on le dira jamais assez. C'est vrai. Très attaché à la machette, surtout. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Boko Haram, ça veut dire littéralement interdiction des écoles, interdisons les écoles. En gros, c'est ça que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire, l'école est interdite, l'école est impure, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il faut empêcher les négrillons d'être au contact de quelque forme que ce soit d'enseignement traditionnel occidental. Bah là-dessus, on est d'accord quelque part. Oui, non, bah, je vois pas l'intérêt d'éduquer. Non, mais attendez, très bon programme. Oui, non, mais d'accord, tout à fait, mais je critique pas. Je dis simplement, c'est pour y substituer des madrassas. Donc c'est pour parquer en masse les nègres dans des madrassas. Et ensuite, les ventiler à droite à gauche avec des ceintures d'explosifs. Bon, moi j'ai rien contre. Hein. Moi je suis, j'ai une approche comme. C'est culturel. C'est culturel. Voilà. Bon. C'est culturel. Donc voilà. Alors justement, peut-être que Boko Haram serait intéressé d'établir, une branche à Paris. Je sais pas, ça peut être... Bah, j'ai presque envie de dire, ça me paraît un peu Arpon inévitable. Arpon voilà. Non, mais Arpon, mais il y a un précurseur. Hein. On va bien trouver une subvention, les gars. Le harpon de l'éther nègre. Je l'avais déjà oublié. Ah, eh, franchement, bah oui. On oublie vite quand même. Hein. Non, mais c'est l'avenir de la France. Hein, quand même, le... oui. Des nègres qui découpent des gens partout. Bon. Alors, là, non, des nègres musulmans. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Des nègres musulmans. Enfin, bon. S'ils étaient catholiques, crois-moi qu'ils ils feraient pas. Oui, oui, oui, mais c'est, ça donne un petit côté plus. Tu mais vois... c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est. Hein, c'est la petite cerise ouais, hein, dans le cocktail, ouais. Tu vois, c'est bien, tu vois. Ouais, puis tu sais, les nègres en transe qui parlent un peu arabe, c'est marrant, ça me fait... ça me fait Boko Haram, Boko Haram, quoi, ouais. C'est-à-dire que tu as effectivement chez les nègres animistes chrétiens, les nègres qui parlent en langue, hein. Moi j'ai été témoin de ce genre de truc-là dans les plus sales recoins de l'Afrique, hein. Si tu ajoutes là-dessus des nègres qui parlent en langue du prophète, c'est encore beaucoup plus rigolo, hein, parce que bon, de suite tu as des sabres qui sortent, donc forcément, du nègre qui hurle avec un sabre, c'est quand même plus sympa. Puis tu les fais débattre entre eux, tu vois, sur des sujets. Alors, il faut se torcher avec un nombre impair ou un nombre pair de pierres selon le hadith, machin. Tu les fais discuter 5 minutes et puis c'est bon. Non, en général, si quelqu'un entre dans une transe mystique, il peut découper des gens, hein, c'est pas très grave. Transe mystique, voilà un beau programme pour cette république de 2019, bientôt 2020. Mais c'est l'avenir, hein. Enfin, De toute façon, oui. De Paris, je pense qu'on peut le dire avec une certaine certitude, hein, avec fiabilité, là je pense qu'on peut nous faire confiance. Boko Haram Paris, c'est une certitude. Je crois qu'on peut à peu près le en convenir. Ben, bon. Oui. Puis de toute manière, bon, les femmes françaises occidentales, si elles ne l'ont pas, elles iront le chercher directement à la source. Hein, c'est vrai. Ce truc-là. C'est vrai. Ouais. Je n'ai pas d'idée malheureusement parce que contrairement à Londres où il y a des statistiques ethniques extrêmement précises, à Paris. Hein, c'est vraiment empirique, hein, c'est sur la base de nos constatations. Mais d'après vous, alors là, ça c'est moi qui pose hein, la question en tant que béotien, y a-t-il plus de nègres à Paris ou plus d'arabes à Paris? D'après vous. Là, appel à nos auditeurs, parce que je crois que personne n'est sur cette région maléfique. La question est posée. Voilà, alors d'après vous, est-ce que vous diriez que c'est plus négrifié ou plus... arabo-islamisé. Voilà, ma question est posée. Je sais que c'est un exercice difficile. On me répondra par évidence que ça dépend des quartiers ou des arrondissements. Donc voilà, essayons de nous lancer dans ce projet participatif de cartographie raciale de Paris et peut-être que la semaine prochaine, on aura un petit aperçu ou dans les semaines à venir, un petit aperçu de ce qu'il en est. Voilà. Alors, mes amis, avant de nous séparer pour cette première partie d'émission, j'ai quand même envie de vous faire partager une expérience tout à fait exceptionnel, une expérience multiculturelle exceptionnelle. Et là, ça nous mène en Australie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir la partager avec vous. On va parler un peu des femmes. Du sexe faible, comme on dit. Alors, c'est le Daily Mail. Le Daily Mail qui nous parle de cette mésaventure. Et qui est en fait une petite forme de... Hein, c'est une petite leçon de choses. Hein. Alors, une Australienne qui a été attirée au Pakistan par la fausse promesse d'une vie somptueuse avec l'homme de ses rêves a été enfermée, battue et utilisée comme esclave sexuelle pendant des mois. Lara Hall, 30 ans, a été victime d'un prédateur en ligne. Alors là, c'est moi qui cite. Hein, marqué a été victime, bon, voilà. Mais c'est moi qui cite l'article. Était victime d'un prédateur en ligne qui l'a violée à plusieurs reprises pendant plusieurs mois et l'a gardée enfermée dans la misère. Lorsqu'elle a réussi à contacter la mission australienne au Pakistan, elle a affirmé qu'elle n'avait reçu aucune réponse et n'avait offert qu'une réponse pratiquement désintéressée, pas tellement d'intérêt de la part de l'ambassade, et que l'ambassade n'avait offert que des conseils limités. Décrivant son cauchemar vivant au Daily Mail, Madame Hall a dit qu'elle avait été trompée par un homme appelé Sajad, qui lui avait promis une vie somptueuse dans une villa de style espagnol à Lahore, donc au Pakistan. Son expérience cauchemardesque a commencé lors d'une rencontre fortuite en 2013. Madame Hall, diplômée en droit de l'Université Notre-Dame et occupant un poste prestigieux, s'est liée d'amitié avec une femme pakistanaise du nom de Rihanna en 2013. Madame Hall a offert de lui enseigner l'anglais et, avec le temps, elle est devenue une membre honoraire de la famille de cette femme qui lui a dit à quel point il l'adorait et lui a souvent apporté des petits cadeaux. Je ne venais pas d'une famille fonctionnelle, alors c'était tout ce dont j'avais envie, explique Madame Hall. Un soir, Madame Hall a passé un appel Skype à la famille de Rihanna au Pakistan et a pris contact pour la première fois avec Sajad, qui était un parent. Le couple s'est connecté sur Facebook et a parlé de façon intermittente au cours des années suivantes. Sajad a prétendu qu'il était aussi avocat et qu'il semblait toujours intéressé par sa vie, et qu'il était désireux de la rendre heureuse. L'amitié de Sajad est survenue à un moment difficile pour Madame Hall, qui avait lutté contre un trouble obsessionnel compulsif et qui ressentait encore l'héritage d'une enfance difficile. Donc, malgré une carrière juridique en plein essor et de solides perspectives professionnelles, ses problèmes se sont accumulés au point où elle a été victime d'une dépression. Sajad est entré dans ma vie au moment où j'étais complètement vulnérable, a dit Madame Hall. Il m'a promis une vie grandiose, étonnante et heureuse si je considérais de l'épouser un jour. Il m'a dit qu'il avait 5 maisons et m'a montré un contrat d'achat pour une maison espagnole, de style espagnol. Il m'a dit que nous pouvions y vivre et que je pourrais décorer comme je voulais. Il m'a même envoyé des photos de la maison. Je me souviens lui avoir demandé s'il me mentirait un jour et il a dit non. Il était très attirant et séduisant. J'ai été séduit par la promesse de cette vie étonnante avec lui. Ma vie à Sydney était si difficile à l'époque, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être essayer. Il disait toujours, je remplirai tous tes espaces vides. Il a tenu promesse. C'était l'un de ses dictons préférés et je connaissais sa famille ici depuis longtemps. Sajad était également en contact avec la famille de Madame Hall. Sur Facebook, il s'est lié d'amitié avec sa jumelle Amy. Il a également envoyé à sa grand-mère des courriels lui promettant qu'il la garderait en sécurité. Il offrait protection et réconfort, la sécurité dont Madame Hall avait toujours rêvé. Amy était aux anges pour sa sœur. Il était très compatissant, empathique, toujours à l'écoute, faisant des promesses grandioses, comme un ami, une personne très digne de confiance, dit Amy. Début 2018, Sajad a invité Madame Hall au mariage de son frère au Pakistan. Elle y voyait l'occasion parfaite de voir si leur romance en ligne pouvait se transformer en amour réel. Enivrée par la promesse d'une belle vie et séduite par l'homme de ses rêves, Madame Hall a fait le grand saut et, le 23 avril dernier, elle a fait le vol qui dure 18 heures pour Lahore. La maison n'était certainement pas comme sur les photos, j'ai été refroidi à mon arrivée, déclare Madame Hall. Il y avait 20 personnes vivant dans 5 chambres. Il a dit qu'ils étaient juste là pour le mariage, c'était dégoûtant. Mais il était si gentil que je pensais toujours que c'était un rêve devenu réalité. Au cours des semaines suivantes, Sajad a admis qu'il avait fabriqué la villa espagnole et qu'il n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Tous les sentiments d'amour sont morts, puis la maltraitance a commencé, dit-elle. Sajad m'a violé et son frère a tenté de me violer à plusieurs reprises. J'étais une femme entretenue, on m'a refusé des produits d'hygiène féminine et j'ai dû saigner librement, hein, lors de ces règles bien sûr. J'ai été affamée, bon ça c'est un grand mot, pendant de longues périodes, jusqu'à 14 heures dans un cas. Affamée pendant 14 heures. Merde. Fantastique. La sale grosse quoi. Alors, Madame Hall refusait continuellement les demandes en mariage de Sajad et son refus de se convertir à l'islam ne faisait que l'irriter davantage. On m'a fait me montrer nu après une douche. Une fois, j'avais encore un peu de shampoing dans les cheveux après la douche et Sajad m'a attrapé en me disant que j'étais une idiote et m'a cogné la tête dans le bassin. Donc, la douche, quoi. Une fois, on m'a obligé à m'allonger nu dans le lit, les jambes écartées. Une autre fois, j'étais malade, il a pensé que c'était hilarant, alors que je vomissais, donc c'était hilarant, là, attendez, je vais formuler ça différemment. Donc une fois, j'étais malade, il a pensé que c'était hilarant de me violer alors que je vomissais. Voilà, donc il a violé pendant qu'il était en train de dégueuler. Bon, c'est... J'étais... Ah bon, je trouve ça très drôle, écoute. J'étais venu jusqu'au Pakistan pour être prisonnière. C'est ce qu'elle dit. Hein. Le visa de 30 jours de Madame Hall avait expiré et Sajjad prétendait qu'il avait des contacts qui travaillaient sur un renouvellement, mais lui a dit qu'entre-temps, elle ne pouvait pas quitter la maison où elle risquait l'arrestation. Elle a réussi à contacter le consulat et le haut commissariat australien pendant que ses rapports d'agression sexuelle, pensant que c'est donc son rapport de viol entraînerait une réponse urgente de la part de l'ambassade. Elle a été déçue par leur attitude indifférente, disant qu'on lui avait dit de se mettre en sécurité, mais qu'elle avait peur d'aller voir la police à cause de son visa de séjour prolongé et pour avoir dénoncé un homme du secteur. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce a confirmé au Daily Mail qu'il avait fourni une assistante consulaire à une Australienne l'année dernière, mais qu'il ne divulguerait pas les détails en raison d'obligations de confidentialité. Donc, Mademoiselle Hall a planifié sa propre évasion. Donc, elle a décidé de s'évader, quoi. Elle a contacté le docteur Kaiser Rafik, directeur général du club d'élite de l'AFOHS, un club prestigieux réservé aux officiers des forces armées, aux diplomates et aux personnalités du monde des affaires. Elle m'a approché via Facebook et ses médias sociaux ne sont généralement pas réels, pas fiables. Alors, après avoir compris qu'elle était bien une fille ayant besoin d'aide, j'ai réalisé qu'elle vivait dans une maison un peu contre sa volonté, a déclaré le docteur Rafik au Daily Mail. Un soir, après que Sajjad l'avait menacé de la supprimer, Madame Hall s'est barricadée dans une chambre et a eu le courage d'appeler la police. Quand ils sont arrivés sur le pas de la porte, Sajjad l'a supplié de leur dire qu'elle allait bien, mais le docteur Rafik a pris la ligne et elle a été escortée à la station locale. Elle a été libérée par les soins du docteur Rafik et a passé 2 semaines au club AFOHS avec l'élite militaire du gouvernement pakistanais. Monsieur Rafik dit qu'il a offert son aide en partie parce qu'il ne voulait pas que Madame Hall reparte avec une image complètement négative du peuple pakistanais. Alors, je la trouve géniale et sa personne extrêmement positive, dit-il. Mais j'ai été déçu et quelque peu fâché qu'elle soit venue dans un pays totalement étranger et qu'elle ait rencontré des gens étranges uniquement par Internet. Nos jeunes doivent apprendre qu'Internet n'est pas un endroit sûr et nous ne devons pas croire les fantasmes que quelqu'un dépeint sur les réseaux sociaux. Après 2 semaines, Madame Hall a déménagé chez un autre ami, donc elle s'était faite encore en ligne, Rafi, qui lui a offert un logement sûr. Inquiète de la façon dont elle a dépassé la durée de son visa, Madame Hall et Rafi se sont envolés pour Islamabad, où se trouve le siège du ministère de l'Intérieur. Au début, elle a été menacée de détention pour avoir dépassé la durée de son visa, mais après avoir plaidé coupable, on lui a imposé une amende de $400 et on lui a demandé de partir dans les 10 jours. N'ayant pas assez d'argent pour se nourrir et encore moins pour acheter un vol international, Madame Hall a dit qu'elle a de nouveau essayé de contacter l'ambassade d'Australie. J'ai supplié l'ambassade et lui ai demandé si je pouvais m'y réfugier, et ils ont dit non. J'ai dit je suis victime de maltraitance, mais j'ai à nouveau reçu des réponses négatives. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, Madame Hall a créé un GoFundMe, et s'est tournée vers la British Pakistani Christian Association, donc une association chrétienne. Wilson Chowdhury, le responsable de l'organisation, a répondu à ses demandes. L'organisation a payé ses amendes et a organisé un voyage sûr pour quitter le pays et rentrer en Australie tout en critiquant le gouvernement australien pour sa faible réponse. Le consulat et le haut commissariat australien n'ont fourni aucune assistance et ne semblent pas prendre le sort de cette femme au sérieux, ce qui place Lara dans une série de circonstances difficiles et dangereuses, a déclaré M. Chowdhury. Les agents consulaires semblent incapables de comprendre son état mental et peuvent même avoir mal interprété son trouble obsessionnel compulsif et supposer qu'elle était une farceuse, malgré ses fréquentes explications et plaidoyers. Pire encore, leurs conseils étaient tout à fait inadéquats et ont causé à Lara un grand sentiment de désespoir. Madame Hall a dit que M. Chowdhury était l'homme qui l'avait ramené chez elle et qu'il travaillait maintenant avec donc l'association chrétienne en question sur des cas similaires aux siens. « Je ne suis pas chrétienne, je suis agnostique, mais Wilson m'a aidé à quitter le pays. Il a joué un grand rôle pour ma sortie. » Madame Hall est heureuse d'être sortie de son expérience cauchemardesque au Pakistan, mais reste préoccupée par la relative inaction du gouvernement australien. « Pourquoi le gouvernement m'a-t-il laissé tomber ? Je m'exprime parce qu'aucun autre Australien ne devrait être laissé pour compte de cette façon. » Alors, messieurs, le gouvernement australien est quand même clairement responsable hein, de la situation. Je vous sollicite, qu'est-ce que vous pensez de cette très belle histoire avec ce prince pakistanais? Qui a envie d'en dire quelque chose? Écoute, moi je voudrais critiquer, mais je sais que certaines personnes qui défendent les valeurs de l'Occident viendraient nous dire que ici, à démocratie participative, nous faisons peur aux femmes normales hein, oui. Qui voudraient, ma foi, être des femmes, des vraies mères de famille. Hein. Donc, critiquer la liberté de cette pute à aller se faire bourriquer par des Pakistanais, ça n'est pas très occidental. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est du bougnouisme mental. Voilà, si ah ouais, d'accord. Tu es un bougnoul. Hein, c'est vrai. Voilà, vous aussi, vous êtes tous des bougnouls. Voilà, tous. Bon, ben, au moins c'est clair. Ben oui, oui voilà. c'est l'Occident, voilà. Allez vous faire enculer. Voilà. D'accord, bon, ben écoute, c'est un avis tranché. Qui d'autre sur cette... Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Derek. L'Occident, c'est d'abord et avant tout les droits de la femme, droits qui n'ont pas de contrepartie en devoir. C'est qu'une femme a le droit de faire n'importe quoi, mais ne doit rien à personne, et si elle se met en difficulté par sa propre faute, eh ben, les mâles blancs doivent éventuellement se sacrifier, se mettre en danger, faire des efforts démesurés pour la sortir de la situation les hommes blancs elle-même. C'est ça l'Occident, doivent... c'est notre identité, oui. Il faut le savoir. Les hommes blancs, cher Titus, doivent être au service de leur princesse arienne, c'est bien connu. Hein. C'est comme ça que la marche de l'histoire, hein, que nous franchirons un pas. Bien sûr, c'est le progrès. Cela dit, attention, Derek, parce que si tu vas sur cette ligne-là, tu risques de dévier par rapport à l'église de négrologie. Si le nègre se trouve en balance par rapport à la femme blanche, il me semble que tu dois quand même favoriser ce progrès, cette quintessence du progrès qu'est le nègre. La femme blanche reste inférieure au nègre dans la hiérarchie du progrès. Le pakistanais, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, c'est pas mal. Non, mais puis bon, il y a chez Artitus les mystères de la foi. Hein. Oui. Voilà. Non, mais ça me fait marrer. Bon, si tu me permets, je fais une petite digression parce qu'il y a eu un article cette semaine qui est sorti sur un média américain qui est Forbes, relatant une Instagrammeuse qui fait des voyages seule partout dans le monde et qui a fait un billet comme quoi le Pakistan devait être la destination numéro 1 pour les nanas qui font des. Des voyages seuls hein, dans le monde. Seul, ouais. Que le Pakistan, c'était le top du top. Hein. C'était le voilà, pour les femmes seules, le Pakistan. Le alors, Pakistan. Si on devait en choisir qu'un pays, c'était le Pakistan. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, voilà, vive l'Occident. Ouais, vive l'Occident. Bah écoute, moi, j'ai rien contre Darwin. Je pense qu'il faut laisser la nature opérer. Donc, je ne... Ah mais non. Non, non, mais non, c'est là que ça va pas. C'est si tu dis que tu laisses opérer, c'est-à-dire que tu laisses ces nanas qui ont décidé de se faire égorger, tu es un bougnoul. Hein, ah non, je bénis ces voyages, hein, qu'elles y aient. Oui, c'est... Qui d'autre sur cette Australienne qui pensait avoir... Remarqué, elle a dit... ça m'a fait rigoler. Elle a plus de sentiments quand elle a compris qu'il n'avait pas 5 maisons. Oui, voilà, bizarre. Hein. Mais bon, je crois qu'elle allait mieux quand elle a fait un truc de crowdfunding et qu'elle a dit « Ah, je peux peut-être quand même arnaquer d'autres gens. » Je pense qu'après, ça allait mieux. Elle a compris qu'il n'y avait pas 5 maisons après ou avant de s'être fait bourriquer par le type et son frère. Remettions les choses dans... J'ai pas bien compris. Hein. Je ne sais pas. Alors, au début, je crois qu'il y avait... Il a dû lui dire je suis en train de construire une maison de style espagnol pour toi, etc. Il a dû dire ça. Bon... Elle a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Quand elle est allée sur place, bah, elle a été logée dans un trou à rats, 5 pièces, 20 personnes. Imaginez, 20 Pakistanais avec l'hygiène. Hein, bon, imaginez. Hein. Le bruit et l'odeur. Permets-moi de noter, cher Gandalf, encore une fois, de manière tout à fait surprenante, non, l'Espagne. Bon. Voilà, alors il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que c'est un Pakistanais qui l'a sauvé, qui s'avère être en fait appartenir à c'est un chrétien quoi, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que c'est un chrétien, c'est-à-dire le Voilà, il y a quelqu'un qui a voulu lui tendre la main parmi les Pakistanais, tu vois, c'est quelqu'un qui a adopté la religion chrétienne, donc il y a quand même un effet d'apaisement des cœurs par la religion chrétienne de cette race qui, par ailleurs, est de la dernière sauvagerie. Hein. Bon, voilà, alors je ne sais pas si c'est vrai en toutes circonstances ou quoi, mais je le relève, hein, par honnêteté. Donc voilà, il existe des gens charitables, mais en fait, vous voyez. Ça, c'est le piège. Parce que quand elle va retourner en Australie, qu'est-ce qu'elle va se dire? Est-ce qu'elle va, d'après vous, quand elle est retournée chez elle, bon, maintenant elle y est, est-ce qu'elle va dire le Pakistan c'est un pays de sauvages, les Pakistanais sont des animaux, des violeurs, etc., c'est une race maudite? Ou au contraire, elle va dire j'ai été sauvée par des Pakistanais extraordinaires, etc. Et il n'y a vraiment aucun lien de cause à effet entre. Entre rien et rien au fond quoi, hein. Voilà, ça aurait pu m'arriver peut-être, ça aurait peut-être pu m'arriver, je ne sais pas moi, En Lettonie. à Prague, voilà, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle va retirer une leçon quelconque de tout ça? Non, bien entendu, bien entendu. Par contre, je note que le chrétien pakistanais a effectivement fait preuve de charité, puisque charité bien ordonnée, bien entendu, commence par soi-même. Il a fait en sorte que cette putain soit, hein, soit ramenée chez elle. Donc, C'est pas faux. oui, c'est une vision de la chrétienté qui peut être, ma foi, intéressante. C'est Hein. pas faux, c'est pas faux. Ceci étant dit, on ne sait pas s'il s'est payé sur la bête, hein. Ça n'est pas expliqué, hein. Ah, peut-être, Ah, peut-être. bah, je ne sais pas, moi. Parce que, bon. Bah, Elle tout a ça, l'air effectivement très portée sur la. Oui, alors, ouais. Ah, voilà. Fulbert, est-ce que tu as envie de me dire un petit mot sur cette. Oh, je vais pas dire la vénalité féminine parce que ça serait généralisé, mais bon. Il y a quand même un fil conducteur, hein. Effectivement, il y a un fil conducteur. Bon, ben écoute, je ne sais pas moi, mais il y aurait une bonne femme qui rentre comme ça dans le pays. Moi, j'en voudrais pas. Hein. Ça Alors, c'est. les Australiens, ils ont peut-être intérêt quand même à y regarder à deux fois. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont un peu misé, à l'ambassade, j'ai un peu l'impression qu'ils ont misé sur le fait que, en attendant suffisamment longtemps, elle finirait par se faire trancher la gorge. Hein. J'ai un peu l'impression que c'était ça. Hein. Ah, c'est possible. Ah, non, mais ils étaient vraiment pas pressés de l'aider. Hein. Ils étaient vraiment pas pressés de l'aider. Enfin, je sais pas, hein, moi je ne comprends pas que les gens, enfin, des femmes, bon, tu veux aller dire la femme c'est le maillon faible, d'accord. Je comprends pas que des femmes, même en Australie, il y a quand même un minimum qui doit passer, qui doit être connu. Ils ont eu des problèmes en Australie, justement. Rappelez-vous les ratonnades, guillemets, que les Australiens avaient Ouais, commises à en. Cronulla, à Cronulla. C'est ça, oui, le long des plages, enfin, dans une cité balnéaire. À Cronulla, ouais. Donc elle devait savoir. Ah, moi, je ne suis pas mauvais, bon, c'est une femme, quoi. Moi, j'ai envie de résumer cette histoire juste par pas de bol, quoi. Je veux dire, elle rencontre un arabe sur Internet qui lui parle de cinq maisons et qui est milliardaire. Et quand elle arrive au Pakistan, en fait, elle se rend compte que l'arabe se conduit comme un arabe. C'est vraiment pas de chance, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, j'ai envie de dire. Bah en fait bon il est techniquement c'est pas un arabe mais je vois ce que tu veux dire hein, c'est un bobo Ouais, quoi en gros on vulgarise, hein. ouais, on vulgarise mais oui c'est vrai qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ouais un Pakistanais est en train de me parler de ses cinq maisons je suis sa princesse qu'est-ce qui pourrait mal tourner et en même temps j'ai envie de vous dire parce qu'elle se fait passer pour une malade mentale maintenant elle avait la tête sur les épaules hein, parce que à mon C'est avis mieux, oui, c'est mieux. elle savait compter à mon avis hein, je veux dire bon. Voilà. Bon, elle était conne, mais elle savait compter. Oui, mais il faut quand même la pardonner parce que je te signale qu'elle était en dépression avant, Ouais. parce que la vie c'est dur, voilà. Donc c'est une victime. Ah, c'est une victime, ouais. Non, bah, La vie c'est pas gentil, ce voilà. serait quand même peut-être. Moi, je conseille à cette dame de poursuivre le système, le gouvernement australien, qui visiblement est toujours engoncé dans une vision patriarcale des choses, raciste aussi, c'est tout à fait évident. Et sexiste. Donc là, moi je pense qu'elle est fondée à demander quelques millions de dollars australiens de réparation. Sur quel motif officiel, mon cher Gandalf? Discrimination. Genre homicide involontaire, peut-être, parce qu'elle a quand même été Oui, privée de nourriture pendant 10 heures. 14 heures. 14 heures. Autant pour moi, c'est insupportable. Discrimination. Non-assistance à personne en danger. Oui, tentative de meurtre, effectivement. Tentative ce de jeune meurtre. De 14 heures. Hein. Oui, pour ce jeune de 14, voilà. Ce sera Ramadan surprise. Ouais. Et même, très clairement, comment dire, racisme. Racisme, sûr. Voilà. Eh oui. Messieurs, quelqu'un d'autre là-dessus, sur ce petit passage par le Pakistan, qui est un pays qui, comme, vous, comme la, me l'a appris Derek, est... via une blogueuse, est un pays à découvrir. Ben, je suis pas tellement friand, moi, j'ai pas tellement envie d'y foutre les pieds, moi. Je... C'est pas grave, hein, ceci étant dit, hein, si vous voulez pas y aller. Parce que peut-être parce et... que tu n'es pas une femme qui a envie de se faire bourriquer par des métèques. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être, peut-être. Hein. Mais ceci étant dit, je tiens à vous rassurer, si vous ne voulez pas aller au Pakistan, le Pakistan viendra à vous. On le voit, hein, voilà, il est déjà bien établi en Angleterre. On a de belles histoires, hein, on en a souvent parlé. Il y a notamment cette histoire d'une gamine qui avait été violée par un gang de Pakistanais qui avait été transformée, et je ne blague pas, hein, qui avait été transformée en viande à kebab. Kebab. Voilà. Non, le Pakistan se rapproche de nous, et je crois qu'on va découvrir cette culture, donc attention, hein. Voilà, les femmes qui sont tentées par l'homme pakistanais ne vont pas rester éternellement sur leur faim. Hein, ils arrivent. Ils arrivent. On a déjà des Afghans d'ailleurs. Ils sont pas mal non plus. Tous ces métèques que tu vois, on viendra à bout, mon gars. Quelques panzers et on laissera leurs cadavres sur la route. Hey, debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous. On dégage le tiers-monde. Hey, ne va pas se dégonfler devant des hordes de bronzés. On va s'en faire un beau charnier à grands coups d'hypérite. Hey, devant les rats, dépêchez-vous. Prenez vos jambes à votre cou. Devant les rats, arrachez-vous. Voilà la bête immonde. Corps maigre et deux et trois. Jusqu'au dernier, on les aura. Quand ils seront tous sur un tas, la France sera belle. Hey, debout les gars, réveillez-vous. Passez la croix de fer au cou. Debout les gars, réveillez-vous. On dégage le tiers-monde. Hey, nous arrive parfois de voir que résistent quelques cafards, mais ce ne sont que des crevards que nos rafales font fuir. Hey, devant les rats, dépêchez-vous, prenez vos jambes à votre cou. Devant les rats, arrachez-vous, voilà la bête immonde. Hey, les gens nous prennent pour des fous, pour des fachos, pour des voyous, mais nous nous resterons debout si tout le monde se débande. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on dégage le tiers-monde. Hey, et quand tout sera terminé, qu'ils se seront tous débinés, faudra se mettre à guillotiner tous ces gauchos qui tremblent. Hey, debout les gars, réveillez-vous, passez la croix de fer au cou. Debout les gars, réveillez-vous, on dégage le tiers-monde. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on dégage le tiers-monde. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 40. Je vous propose un peu d'exotisme avec notre rubrique négrologie. Négrologie, et là, évidemment, nous avons un expert que vous connaissez, qui est Derek, qui va pouvoir commenter, je pense, cette information de toute première importance. Nous allons en Ouganda, et c'est CNews qui nous en parle, d'ailleurs le ton grave, inquiet, car cette belle nation ougandaise est en train de commettre l'irréparable. Alors je cite l'article, hein, « Loi Kill the Gays », donc tuer les gays, l'Ouganda veut mettre en place la peine de mort contre les homosexuels. Le gouvernement d'Ouganda a annoncé son intention de relancer le projet de loi Kill the Gays, qui vise à établir la peine de mort contre les personnes homosexuelles. Le projet, dont le nom sonne terriblement, avait été initié il y a 5 ans, 2014, à l'époque, face au tollé de la communauté internationale. Le gouvernement du président Yoweri Museveni avait finalement renoncé. De nombreux pays et institutions, dont les États-Unis, la Suède, le Danemark, la Banque mondiale, avaient adopté des sanctions, suspendant notamment leurs aides. Cette fois, le gouvernement semble déterminé, se disant prêt à faire face aux éventuelles sanctions. Nous sommes prêts. Nous n'aimons pas le chantage. Bien que nous sachions que cela va irriter nos partenaires, nous ne pouvons pas baisser la tête et nous incliner devant ceux qui veulent imposer une culture qui nous est étrangère, ainsi souligné à Reuters Simon Locodo, ministre de l'éthique et de l'intégrité, cité par The Independent. Selon le projet de loi, toute personne reconnue coupable de pratiques homosexuelles sera passible de la peine maximale, la peine de mort, contre la prison à perpétuité actuellement. L'homosexualité n'est pas naturelle pour les Ougandais. Ceux qui commettront ces actes graves seront exécutés, a ajouté le ministre. Le projet de loi Kill the Gays sera présenté au Parlement dans les prochaines semaines et le vote devrait intervenir d'ici à la fin de l'année. Face aux intentions du gouvernement, les associations de défense des droits LGBT ne cachent pas leurs inquiétudes. Elles craignent notamment que la loi attise le sentiment homophobe et les crimes de haine. Des centaines de personnes LGBT ont été contraintes de quitter le pays et d'autres suivront si cette loi est promulguée, a également indiqué à The Independent Pepe Julian Onziema, responsable de Sexual Minorities Uganda, qui regroupe plusieurs organisations LGBT. Alors messieurs, cher Derek, kill the gays. Oui. Voilà le ida poupou. And then they eat the poupou. Oui, oui, tu reprends les propos de notre très très très apprécié pasteur Martin Sempa, hein, effectivement, qui est un pasteur ougandais, il faut le rappeler. Oui, oui. Il m'a d'ailleurs un petit peu réconcilié avec le protestantisme, je dois bien oui, dire. Oui, oui. Oui, moi, il m'a réconcilié avec les nègres. Hein, oui, en général, aussi. C'est une qualité qu'ils ont, je veux dire. Hein. C'est indéniable. Ah, mais il se trouve que j'étais personnellement en contact avec le patient Martin Sempa. Hein, mais je le savais pas. Ben oui, depuis quelques mois, nous échangeons de ci, de là. Hein. Ah, ouais. Mais bien sûr. Et effectivement, donc. Monsieur Sempa, d'ailleurs, a été dès l'élection de Donald Trump, a été tout à fait enchanté de l'élection de Donald Trump et de Monsieur Pence, hein, qui a une vision concernant cette engeance sodomite, fois qui sont en rapport avec ce que la civilisation devrait tenir comme normal. Hein. Donc voilà. Alors Pence, le vice-président américain, c'était quoi sa théorie vis-à-vis de l'homosexualité que nos auditeurs soient au courant? C'est une théorie qui est en rapport avec la loi d'homme. Hein, c'est-à-dire que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en rapport avec l'électricité, en fait. Hein, d'accord, oui. C'est passé voilà, du courant. Dans le corps des homosexuels. Oui. Du courant électrique. D'accord. Des fréquences. Des fréquences, hein, du courant alternatif. Oui. De la science. Du haut, du bas. Pour mettre des paliers qui sont, ma foi, semble-t-il, non. Qui a été déréglé. Hein. Mais en l'occurrence, donc là, pour le cas de l'Ouganda, alors nos auditeurs qui nous écoutent, démocratie participative se fait apologète des nègres d'Afrique, mon Dieu, quelle horreur. J'aurais envie de vous dire, chers auditeurs, avez-vous déjà croisé dans votre vie quotidienne, et même en ayant été en voyage, je ne sais pas, par exemple, dans cette capitale horrible qu'est Paris, avez-vous déjà croisé du nègre ougandais, hein? Vous dites, bon, oui, c'est bien les nègres, ils font leur loi anti-pédale, mais ils vont nous exporter leurs déchets. Bon, avez-vous déjà croisé un nègre ougandais en France? Ben moi, c'est pas le cas. Hein, moi non plus, oui. Je suis déjà allé en Bretagne, je suis déjà allé en Île-de-France, oui, qui sont les foyers hein, du nègre, hein, les foyers français. Hein. Jamais je n'ai croisé un Ougandais. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire donc on n'en voit pas? Alors pourquoi du coup j'en viens à penser que ces Ougandais qui, ma foi, refusent la sodomie comme étant... oui, l'alpha et l'oméga, on va dire. Oui, étant un vecteur de progrès, ces Ougandais, ma foi, bien qu'étant des nègres, sont quand même des êtres et même sont quand même un peuple digne d'intérêt. Alors du coup, oui, effectivement, il les fout tantôt la vie et bah, imaginez, oui, tous les homosexuels qui sont organisés en coterie, en lobby et qui sont en train de nous déverser leurs insanités à longueur d'année au visage par médias interposés. Bah, imaginez que ces gens-là en Ouganda, eh ben, ils seraient tous en tôle. Et dans quelques mois, si tout va bien, et avec la grâce de Dieu, ils seront tous au bout d'une corde. Ça, quand même, ça appelle quand même méditation. Alors, qui voudrait me rajouter quelque chose sur cette initiative ? Je me disais, bah, l'Afrique, on en avait parlé un peu il y a quelques semaines, l'Afrique, ça, c'est aussi la terre du vaudou, hein, d'une espèce de sorcellerie assez spéciale, enfin, qu'on connaît pour les poupées dans laquelle on plante des épingles, des choses comme ça, mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que le vaudou fait un grand usage aussi d'ingrédients d'origine animale, disons, enfin réduits en poudre pour faire des décoctions, etc., y compris des morceaux d'os ou même là, une espèce de croyance magique qui existe que le crâne des chauves contient de l'or. En fait, l'Afrique est pleine de croyances comme ça et d'idées qui sont plus ou moins animistes ou vaudous. Et là, je me disais, si la loi passe, ça pourrait être vu comme le fait que le gouvernement ougandais autorise des citoyens à faire eux-mêmes justice s'ils voient des cas d'homosexualité graves autour d'eux. Et je me disais, bah, après tout, les gays ont quand même un anus particulier. Bah, c'est même ça qui les renie, hein, c'est la communauté de l'anus comme il y avait la communauté de l'anneau. Mais je me disais, bah, allez savoir, peut-être que l'anus de gay pourrait devenir un ingrédient vaudou. Il suffit de le découper à la machette. Hein, et puis après, allez savoir ce que les grands nègres magiciens vaudous pourraient en faire. Moi, je pense qu'il y a une piste qui pourrait être explorée en Ouganda et ailleurs en Afrique de l'Ouest. Oui, ce serait pas surprenant. Alors, je serais plutôt en désaccord à ce que tu dis, mon cher Titus. C'est-à-dire qu'en général, quand les nègres... utilise des gens ou des parties, oui, de gens pour fétiches, c'est que l'objet en question est censé apporter ce qui leur manque. Si ça leur manque, c'est qu'ils en ont besoin. En l'occurrence, je ne crois pas que les nègres aient besoin, aient une envie particulière d'avoir un anus en forme de chou-fleur. Oui, oui. Je me sens que dans la sorcellerie, il existe effectivement des sorts pour demander ce qu'on n'a pas. Alors typiquement les sorts d'amour, de faire revenir l'épouse qui est partie, d'argent, etc. Mais il y a aussi et surtout dans des religions comme ça les sorts de malédiction. Donc là, il s'agit de rien que la poupée vaudou, c'est typiquement faire mal à quelqu'un en lui plantant des aiguilles dans une effigie à lui. Donc pourquoi ne pas souhaiter que son ennemi devienne gay en lui envoyant un anus en chou-fleur ? Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Effectivement, c'est une partie tout à fait assez marginale de ce que de la pratique. De la pratique, non, mais c'est vrai, parce que la majorité de ce que peut être la sorcellerie en Afrique, c'est la recherche du pouvoir. Voilà, c'est la recherche du pouvoir. Mmh. Effectivement, parmi ce que tu as dans les domaines de recherche de pouvoir, tu as le sabotage de ton ennemi. Donc, tu vas souhaiter que ton ennemi devienne une fiotte. À ce moment-là, l'anus de Renaud Camus peut être une relique qui est tout à fait utile, hein, dans cette optique-là. Tout à fait. Hein. Je pense que là, on a peut-être quelque chose à apprendre de l'art premier vaudou, hein, avec son découpage à la machette sur être vivant. C'est une discipline intéressante. Ça serait un bel hommage à Jacques Chirac, je trouve. Ah, mais c'est... Un anus de Camus en pendentif, je pense que ça sera un hommage à Chirac. Ah oui, les arts premiers, cher Pierre, hein, les arts premiers. Alors Pierrot, tu voulais nous dire quelque chose ? Non, je voulais juste me parler de cette... parce qu'en fait, ça fait grand bruit, hein, ce truc-là. Bon, pas trop en France, mais à l'international. Je comprends pas, moi, parce qu'en fait, j'ai appris que depuis que les méchants colonisateurs étaient partis, les peuples africains avaient le droit de faire des lois, d'être souverains, etc. Et là, on leur donne des leçons. Donc là, je ne comprends pas exactement ce deux poids, deux mesures. Moi, j'aimerais vraiment que l'on laisse ces gens en paix. C'est un pays souverain, d'accord? Et donc, qui tente l'expérience d'abord, et peut-être qu'on aura beaucoup à apprendre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, nous, on se tape des Marlène Schiappa, en point de vue des mœurs, etc. C'est pas ouf. Donc, j'ai envie de les voir expérimenter. Voilà. Oui, moi, je rejoins ta demande de respect de l'intégrité, de la souveraineté. Le respect anthropologique. Oui, non, mais le respect. L'ingérence occidentale, il y en a marre. C'est ça, arrêtons l'ingérence occidentale, ouais. Voilà, moi j'ai un respect pour les Ougandais qui est un respect anthropologique. Voilà, voilà c'est ça. Pour la nation ougandaise, je vous salue. Fulbert voulait-il nous dire quelque chose là-dessus? Ben oui, moi je voudrais me faire l'avocat du diable, je vois pour changer. Moi je trouve qu'on devrait soutenir les PD ougandais. Ah. Tout simplement, ben oui. Ça, d'abord. Premier effet, ça diminuerait le taux de natalité africain. Ça, c'est un. Ensuite, tu te demandais tout à l'heure où allaient finir les PD ougandais au bout d'une corde ou quoi, ou en prison ou ailleurs. Mais moi, je vais te dire où ils sont. Ils sont déjà en route pour venir en France, pour demander, c'est des réfugiés, non pas climatologiques, mais sexuels. Ils vont arriver par division entière en France et en Europe. Ça fait pas l'ombre d'un pli. Donc moi, je pense qu'il faut soutenir les PD, les encourager, activer en leur faveur en Afrique. D'accord. Il y a alors, du sens. Non, mais je vais te contredire, cher Fulbert, puisque les Ougandais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne viennent pas en Europe. C'eût été des conflits entre Maliens et pédales maliennes, je n'aurais pas dit. Effectivement, là, la loi du la loi de la haine hein, aurait pu faire en sorte que je soutienne les fiottes d'un côté et que je soutienne les anti-fiottes de l'autre. Mais pour les Ougandais, écoute, je n'ai jamais vu un Ougandais en Europe. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là ne me sont d'aucune nuisance. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier à me prononcer pour le fait qu'ils soient convertis à la religion de l'anus. Certes. Mais je rappelle quand même une chose. Tu n'as pas d'Ougandais en France parce qu'ils sont anglophones. Donc tu les retrouves en Grande-Bretagne. Mais pour arriver en Grande-Bretagne, ils font un transit par Calais, hein, je rappelle quand même. Je suis pas certain que les Ougandais soient passeraient très très très oui. Passent beaucoup par Calais. Je n'en ai jamais eu cap en tout cas pour le moment. Non, mais écoutez, de toute façon, si jamais ils en font venir, ils en font venir que 200 ou 300. Bon. Moi, je veux ouais, bien. C'est marginal. Sur le flot de nègres qu'on se tape déjà, moi, je veux bien en laisser passer 200 ou 300. Si, à l'autre bout, ils mettent à l'envers la communauté des fiottes internationales en pendant des PD au bout à des arbres. Donc, moi, j'ai quand même envie de voir ça. Alors, bon, 300 de plus, 300 de moins, si c'est le prix à payer pour avoir ce spectacle-là, moi, je veux bien le payer, hein, de toute façon. D'accord. Je suis pour le respect, ma foi, des. Des particularités. Oui, mais attention, hein, je veux dire, rien ne nous empêchera ultérieurement de rapatrier hein, ces fameuses fiottes ougandaises dans leur beau pays. Alors, en attendant, non, parce que vous savez que quand quelqu'un vient d'un pays où il y a la peine de mort, en fait, automatiquement, il a les papiers, le logement, la Légion d'honneur, enfin tout, quoi. Donc, pour le moment, effectivement, c'est... mais je pense qu'ils vont en profiter, hein. Je dois dire que Fulbert m'a un peu convaincu quand même. Ah. Mais non, c'est vrai, il a des arguments intéressants. Après, moi, je vais vous dire mon sentiment, c'est que toute entreprise qui vise à la propagation finalement du sida en Afrique m'est foncièrement sympathique, je dois quand même le confesser. Non, mais bon, je note ton racisme primaire, Pierrot. Oui. Qui va contre les plans hein, de l'Éternel. Mais vraiment, je tiens à noter encore une fois la particularité de la nation ougandaise qui, Oui, qui a une dent tout à fait particulière sur cette question-là contre. Qui, oui, la nation ougandaise ne nous pollue pas en France. Hein, même, écoute, même dans les pays anglophones, je n'ai jamais croisé un nègre ougandais. Ouais, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, ça ne remet pas en question le bien fondé de cette initiative. Point oui, barre, non, on peut se dire, oui, non, mais on va se dire, allez, tu m'as fait chier, je te fais chier. Bon, en l'occurrence, les nègres ougandais ne m'ont pas emmerdé, donc voilà, je suis un Européen doté d'empathie. D'accord. Pour une fois, n'est pas maladive. Chers amis, faites du pâté avec vos fiottes, avec ma bénédiction. Un message adressé donc à la nation ougandaise, ça me touche beaucoup. Message de paix, un message de paix et d'amour. De paix et d'amour. Alors messieurs, ne quittons pas le domaine de la négritude, puisque Emmanuel Macron, président de la République française, a un grand programme, c'est semer de l'argent public en Afrique et d'y faire pousser des nègres. Ça marche à chaque fois. Et là, c'est un article qui parle de BFM TV, qui parle donc de ça. Fonds mondial de lutte contre le sida à Lyon, Macron donne 3 heures pour réunir 14 milliards de dollars. Le chef de l'État a annoncé une augmentation de 15% de la contribution française au Fonds mondial ce jeudi, soit 162 millions supplémentaires. On y est! Emmanuel Macron a mis la pression sur plusieurs gouvernements jeudi pour réunir les 14 milliards de dollars nécessaires à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en annonçant une hausse de 15% de la contribution française. Dans les 3 heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards. Donc vous l'aurez compris, la pression va être maximale, a lancé le président à la tribune de la conférence de refinancement du Fonds mondial de lutte contre ces maladies infectieuses qui rassemble 700 participants depuis mercredi à Lyon. Je ne laisserai personne sortir de cette pièce ou quitter Lyon tant que les 14 milliards n'ont pas été obtenus. Et donc, tout à l'heure, nous les aurons, a ajouté le chef de l'État en sonnant la mobilisation générale des contributeurs avant la clôture de la conférence jeudi. Il a tout particulièrement sollicité à la tribune le Japon, la Norvège et l'Australie, ainsi que les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qu'il a appelé à se réconcilier diplomatiquement autour d'un effort financier commun en faveur du Fonds mondial. L'objectif de ce dernier, créé en 2002, est de réunir 14 milliards de dollars pour les 3 ans à venir, avec l'ambition d'éradiquer ces 3 pandémies infectieuses à l'horizon 2030. Personne ne quittera Lyon sans que nous ayons les 14 milliards de dollars. Et donc tout à l'heure, nous les aurons. Appelez dans vos capitales. Harcelez les pays que j'ai cités. Allez m'aider à chercher l'argent dans les 3 heures. Voilà, alors donc il a séquestré les diplomates japonais, norvégiens, australiens pour leur faire les poches. Parce que Emmanuel Macron voulait quand même se mettre en scène en tant que bienfaiteur de la race nègre. Parce que selon lui, la natalité, oui, le vicaire hein, de l'éther nègre sur Terre, apparemment, il considère que la démographie africaine est dans une situation extrêmement critique. Hein, et qu'il faut absolument... récolter des milliards et des milliards, ponctionner des milliards et des milliards sur des États comme le Japon, l'Australie, pour s'assurer que voilà, ces maladies disparaissent et donc la natalité africaine qui est en berne se porte mieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce numéro, hein, donc de cette séquestration de corps diplomatiques entiers pour exiger en 3 heures de temps le versement de milliards de crédits pour les gens. Je suis toujours étonné. On en parlait d'ailleurs avant l'émission, on a une petite digression sur ces gens qui veulent absolument... ils baptisent des nègres pour qu'ils deviennent catholiques et du coup ils sont étonnés à la fin, en fait le nègre reste un nègre. Et là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un continent de nègres avec des QI négatifs, vous leur mettez des billets verts comme ça, plein de pognon. Et à la fin, vous dites « Ah merde, bah c'est toujours des nègres, ils sont toujours aussi cons et ça marche toujours pas. » Oui, ce vaudou occidental ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. En tout cas, moi, quand j'entends ça, j'ai bien envie de faire de l'optimisation fiscale. Hein, parce que chaque fois que j'entends ce genre de conneries, je me dis « Ouh là là, Et dire que je paye des impôts pour tout ça, ça me fait froid dans le dos. Oui, il y a quand même quelque chose que j'aime bien dans cette initiative, c'est que on a vu que Macron essaie de racketter le Japon notamment, qui a très peu d'immigration, mais je vois qu'il a essayé aussi d'obtenir de l'argent des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et ça je trouve ça quand même vachement bien, c'est mieux. C'est avec tous les réfugiés... C'est mieux et non, mais je te dirai pourquoi après, vas-y continue, cher Titus. Oui, parce qu'on se souvient que tous les réfugiés qu'il y a eu, alors les fameux réfugiés syriens en fait, qui venaient du Pakistan ou justement de l'Ouganda, enfin la Syrie c'est très vaste, hein, mais tous ces réfugiés syriens, ou du Mali, ils sont tous allés en Europe et il y a pas les Arabes n'ont pas, enfin les Arabes du Golfe n'ont pas payé un dollar pour leur accueil. Bon, Israël non plus d'ailleurs, mais du coup ces saloperies de chameaux du Golfe qui attends, sont enrichis avec. Je suis obligé d'intervenir. Non, tu dis Israël, non, Israël a contribué massivement. Avec le cœur. Merci, merci d'arrêter. Voilà. Tu peux. Oui, tu as raison. Pas de judéophobie primaire. Non, pas d'antisémitisme. Pour respecter le tikkun olam. Voilà, c'est ça. Donc, non. Alors, par contre, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur l'Arabie Saoudite, etc. C'est vrai qu'ils n'ont pas versé. Et ils n'ont pas accueilli non plus. Oui, ça aussi. Moi, j'aimerais voir plus de sidaïques nègres en Arabie Saoudite. Pour se faire soigner à Riyad. Il paraît qu'il y a des hôpitaux là-bas de bonne qualité, enfin, payés avec l'argent du pétrole. Moi, j'aimerais qu'ils accueillent plus de nègres sidaïques. Et puis pareil à Abu Dhabi, à Dubaï, toutes ces villes comme ça, ça manque de nègres. Ça manque c'est, de nègres. C'est vrai, c'est curieux d'ailleurs. Comment se fait-il que les Arabes d'Arabie Saoudite, qui pourtant sont musulmans et devraient avoir le sort de leurs frères de religion au cœur, comment se fait-il qu'ils n'accueillent pas davantage de nègres je trouve ça tout à fait surprenant. Tout à fait étonnant. Je sais pas, c'est une question à poser, hein, mais en tout cas, ça pourrait peut-être soulager nos hôpitaux, hein, dont on a vu un bref aperçu avec le courrier de notre auditeur, effectivement, qui sont quand même passablement saturés de cafres. Hein, on y gagnerait. Qui d'autre, alors, sur plan mirobolant? Mais vous imaginez quand même, Macron, c'est juste pour se payer un shoot de dopamine à base de narcissisme, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. C'est, voilà, il est sur. En plus, vous regardez parce que c'est filmé tout ça. Il est sur scène et on a l'impression que c'est une espèce de télévangéliste africain. Mais imaginez les nègres qui sont dans l'assistance. Il doit vraiment ils être... exultent. Non mais il doit voir la transfiguration, il doit se dire non mais il est vraiment envoyé par Dieu quoi. Regardez ça, il est envoyé par Dieu. Et voilà, il parle. Oui, du coup, il est avec nous. Les dollars, il fait pousser les dollars. Et Macron en plus, il doit être chargé à la coque comme pas permis, il doit être là totalement défoncé. Et là vous sortirez jamais d'ici sans avoir payé. En plus, ils doivent retransmettre ça en Afrique, tu sais, sur les écrans, tu vas avoir des centaines de... complètement. Ça se trouve, les mecs, ils ont des portraits d'Emmanuel Macron, tu sais, dans leur hutte en bois là. Ah bah, je pense que ça. Le sorcier blanc. Le sorcier blanc qui fait payer le monde pour que l'Afrique puisse baiser à tire-larigot sans craindre d'attraper le VIH. Ah oui. Ah oui, non, ça c'est le Messie, hein, vraiment, hein, impressionnant. Hein. Je sais pas, mais je pense que les types, ils ont payé, ils ont signé tous les chèques juste pour pouvoir sortir, parce je pense qu'ils ont vraiment eu peur de pas sortir de Lyon vivant, en fait. Hein. Ils ont dû dire, putain, mais on va vraiment pas sortir d'ici, signer tout ce qu'ils veulent, voilà. Par contre, je suis pas sûr que les mecs vont vraiment, vraiment verser après derrière. Hein. Ils voulaient juste pouvoir le dire, je crois. Mais voilà, donc la France, voilà. C'est un drôle de pays, la France, quand même, la République française. Oui. Elle place vraiment son destin résolument dans le sillon de la démographie africaine. Hein. Ça, c'est vraiment... Et puis, ce qu'on a de bien en France, si tu veux, c'est qu'on a une extrême droite très soucieuse du... Du denier public, oui. Du bien-être des sidaïques. Hein. C'est très important. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'extrême droite en France organisée et militante. Nonobstant quelques petits groupes de gens qui essayent de faire des trucs, mais je veux dire, au plan institutionnel, au plan des partis, voilà, le Rassemblement National, là, ça aurait été l'occasion d'utiliser utilement une surface médiatique pour Marine Le Pen, peut-être pour Marion Maréchal Le Pen, peut-être pour, je ne sais pas moi, quelqu'un d'autre hein, dans leur partie, de dire « Mais c'est scandaleux, on va encore déverser des centaines de millions d'euros des contribuables français, comme si l'AME ne suffisait pas déjà. Hein » Un milliard, quand même, au passage. Ben non. Maintenant, le problème, c'est que ça se passe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que il y a ces programmes qui coûtent une fortune, hein, décidés par Macron pour faire plaisir à ses amis les nègres, mais il y a aussi ceux à domicile. Le programme de prise en charge de ce qu'on appelle les mineurs étrangers isolés, donc en fait les migrants prétendus mineurs, c'est 2 milliards d'euros par an, officiel. 2 milliards. Et c'est que quelques dizaines de milliers de migrants. C'est pas la vaste majorité d'entre eux. C'est juste les mineurs. Ça coûte 2 milliards. Ce qui vous donne, entre nous soit dit, un aperçu de ce que coûtent les autres. Hein. Donc 2 milliards. 50 000 euros par an et par tête. Voilà. Rien que ça. Évidemment, je compte pas le reste. Hein. Prenez l'AME, par exemple. Allez, 1 milliard supplémentaire. Et après, vous avez les gens dans les urgences. Oui, on n'a pas de moyens. Oui, vous n'avez pas de moyens, effectivement. L'armée, ah ben on n'a pas de moyens. La police, ah ben on n'a pas de moyens. C'est marrant, hein, personne n'a de moyens en France. Je regardais le budget du ministère de l'Intérieur pour la police. Bon, bah, c'est un budget en légère augmentation, disait-il. Voilà. Mais il leur manque quand même quelques milliards. Hein, leurs bâtiments sont vétustes, les paies, enfin les salaires, ça ne correspond pas à leurs attentes, etc. Il y a toute une série d'heures qui ne sont pas payées. Et donc ils gueulent, mais à aucun moment, leurs dirigeants syndicaux, par exemple, ou des acteurs politiques ne font le rapport avec ces milliards d'euros déversés sur ces nègres, hein, c'est chiffré, c'est des chiffres officiels, que Macron continue de remplir la barque, hein. Il n'y a pas un leader syndical qui dit « On va peut-être arrêter le tir 5 minutes avec ces conneries-là. » Parce que cette connerie, en fait, c'était quoi le plan? Macron voulait se payer un exercice de com' en direction de sa négraille. Hein. Vous n'avez pas perdu de vue que nous sommes bientôt en période électorale. C'est une petite coquetterie médiatique qui va coûter quand même 160 millions d'euros aux Français. Voilà. C'est la farce va coûter 160 millions d'euros. Voilà, pour une heure, deux heures de numéros médiatiques sur une tribune, devant des diplomates, où Macron se donne en spectacle, ça coûte 160 millions d'euros, pour pouvoir dire, voilà, on augmente de 15%, voilà, et pour avoir les applaudissements nécessaires, ouais, bah, je sais pas, quoi. Moi, ce qui me fascine en France, c'est la facilité avec laquelle les politiciens français pisse l'argent public dans le sable et que personne ne gueule. Je crois que c'est le truc qui me fascine le plus en France. C'est le truc qui me fascine le plus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à en dire, hein, ou même des exemples concrets à ajouter, mais je ne sais pas. Quoi, je veux dire, la dépense d'argent public, hein. Oui, la dépense d'argent public, mais je veux dire... aussi ouvertement délirante. Voilà. Et où les gens, en fait, ne protestent pas, quoi. Il n'y a pas... Bah, par exemple, il y a une droite en France, d'accord ? Officiellement. Je veux dire, institutionnellement. Ah bon ? Bah, officiellement. Ah oui. Ça s'appelle les Républicains. Est-ce que vous avez jamais entendu ces fils de pute hurler comme un rabbin auquel on aurait volé un dollar sur les milliards et les milliards qui foutent le camp à droite, à gauche, etc. Est-ce que vous entendez jamais ces mecs gueuler sur la façon dont l'argent des Français est utilisé? Jamais, il n'y a jamais moi j'ai vu une extrême droite défendre le droit des sidaïques à être soignés à coups de millions et de dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros, parce que sida, tu comprends? Ça je le vois, c'est réel. Alors moi je croyais que tu allais faire mention de l'augmentation de l'aide à l'Afrique que voulait Marine Le Pen quelques jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Oui, c'est effectivement encore un élément. Non, mais elle voulait quoi? Elle voulait déjà rappeler. Elle voulait pas la doubler ou quelque chose comme ça? Oh, je crois que c'était même au-delà du doublage. Ouais, ouais, bon, c'était. Ouais. C'est quelque chose d'absolument délirant. C'était asselinesque. C'est toujours plus facile de dépenser du pognon quand c'est pas le sien. L'argent public en France, oui, c'est une longue histoire. Déjà, il y a énormément de gens qui en dépendent, toutes les associations, les fonctionnaires, etc. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de solidarité de fait entre tous ceux qui pompent l'argent public et qui sont plus ou moins des parasites, sans oublier d'ailleurs les boomers, hein, nos glorieux retraités. Mais il y a aussi une espèce de lâcheté, c'est que l'empereur est nu, mais personne n'ose le dire, et celui qui va le dire va se retrouver, enfin tous les autres serviront de lui comme bouc émissaire et diront non, mais c'est ta faute, c'est par toi que le problème vient, donc personne n'ose soulever le lièvre, et ça continue encore et encore. C'est la France, le pays où les choses négatives s'installent et s'enracinent et où ça ne change jamais, quoi. Oui, c'est ce phénomène-là. Par exemple, il y a un truc qui me fatigue en France. Donc on a vraiment le, je veux dire, c'est, je crois que c'est le pays qui a inscrit dans la loi le fait, comment dirais-je, d'être communiste de naissance, quoi. C'est hallucinant de voir ce qu'on peut entendre en France dans le discours public. Par exemple, quelqu'un comme Michel Onfray, qui, excusez-moi, est un prof. C'est un prof et c'est un prof. Enfin, il fait de la philosophie. Je sais pas, bon, d'accord. Il fait de la philosophie. C'est quelqu'un, il prend la parole et il prétend se piquer d'économie. Par exemple, d'accord, bon, c'est quelqu'un qui a jamais créé un emploi. Hein. Bon, ce mec-là, il arrive et il dit, il va disserter, considéré comme étant une opinion dissidente. C'est-à-dire que le type rompt le consensus en France. Tu vois, si t'écoutes. Et ce mec-là qui rompt le consensus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la France, si vous voulez, c'est un enfer ultra-libéral. C'est un pays, tu vois, où le néolibéralisme, j'aime bien le mot qu'il dit, le néolibéralisme, tu vois, a vraiment ravagé, tu vois, la société française. Et tu sais, moi, je regarde la France et je regarde le taux d'imposition, les prélèvements obligatoires, et histoire de rajouter un petit peu de sel sur les plaies, je regarde à quoi sert le pognon qui est prélevé en quantité astronomique chaque année. Et tout en étant d'ailleurs, en ayant un État toujours, toujours plus déficitaire. Ça, c'est, personne ne se pose la question. C'est-à-dire que c'est un pays, tu vois, t'as un niveau de taxes énorme, l'État est encore déficitaire. À un moment donné, il faut quand même se poser trois questions. Je veux dire, et tu vis de plus en plus dans la merde, hein, aussi. Aussi. Bon, et les types te disent, ah mais monsieur, ça, c'est l'exemple type d'un pays qui n'a pas d'État, qui n'a pas d'administration, où c'est la loi... Oui, c'est l'ultralibéralisme. C'est la loi du marché qui fixe tout. Et tu te piques, tu te dis, ah bon, ouais, c'est bizarre quand même, hein, d'accord, ouais, c'est, d'accord. C'est bizarre, un État ultra-libéral dans lequel je suis obligé de payer une assurance maladie universelle, dans laquelle les sidaïques sont remboursés pour le traitement, et dans laquelle les homosexuels sont rémunérés à hauteur de plus de 1000 euros par mois pour avoir un traitement anti-sida. Donc ça, c'est l'ultralibéralisme. Hein. Tu ne le savais pas, Gandalf, vous ne le saviez pas, chers auditeurs. Ça, c'est le libéralisme. Alors, il y a un truc, puisqu'on parle d'Afrique et de négritude et d'argent. Je ne sais pas si vous avez vu la récente décision du Conseil constitutionnel, ça date de cette semaine, présidée par Laurent Fabius, hein, notre ami juif de Normandie, millionnaire par ailleurs, socialiste, c'est bien entendu, le Conseil constitutionnel a décrété que c'était anticonstitutionnel pour l'État de fixer des tarifs plus élevés pour les étudiants étrangers. Et donc, en fait, les étudiants étrangers ont un droit à l'éducation gratuite. Ne riez pas, c'est constitutionnel. Voilà. C'est fantastique. Alors ça, c'est une décision de cette semaine. Et ils avaient, et je vois, c'est le même Conseil constitutionnel sous la direction du même Laurent Fabius qui avait décidé que le délit, ouais, qui avait cassé l'idée de, je cite, délit de solidarité, c'est-à-dire que si vous aidez un clandestin africain à s'introduire sur le territoire français, ce n'est pas une infraction, c'est une preuve de solidarité, ce sont les droits de l'homme, hein. Donc le juif Fabius veille au grain. Donc en fait, vous ne pouvez pas casser les filières de passeurs, parce que ce ne sont pas des filières de passeurs, ce sont des filières de philanthropes. Hein, donc de philanthrope à philanthrope, on se comprend. Alors c'est marrant, parce que toute cette philanthropie malheureusement, n'est pas financé sur fonds privés, même si la France est un enfer ultralibéral. C'est financé sur fonds publics. Donc, le Conseil constitutionnel a réédité l'exploit. Donc, vous ne pouvez pas demander à des étrangers de payer tel ou tel tarif pour l'usage qu'ils font de vos écoles. Non, le même tarif que les Français. Parce que c'est un droit. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est un droit. Donc, moi, je suis fasciné de voir ça. Donc, le pognon, il le bazarde par les fenêtres, les portes, les égouts, le lavabo. Oh, leur poche aussi. Hein. Ah, il le crame. Oui, oui, aussi. Oui, oui, ça, il le vide aussi dans leur poche. Il le crame dans tous les sens. Personne ne tousse. Il n'y a pas un parti en France qui tousse. Voilà, on va quand même pas déranger Marine Le Pen pour si peu, quand même. Imaginez, elle serait obligée de prendre la parole à l'Assemblée. Voilà. Mais quel média irait propager ce genre d'informations, vu qu'eux aussi sont subventionnés à mort, quoi. Aucun média qui survit. Et c'est ça le truc, c'est que voilà, les journaux sont subventionnés, les médias, mais les partis aussi sont subventionnés. Il y a même un business là-dessus. Il y a des gens, vous ne les voyez jamais, aux élections présidentielles, par exemple, ou aux élections régionales, ils se pointent. Vous voyez des partis bidons, vous voyez que c'est des partis bidons, et vous n'en entendez jamais parler d'eux. Mais une fois de temps en temps, à telle ou telle élection, vous les voyez arriver. C'est parce que les types ont un système, ou parce que le système français est comme ça, vous êtes payé par voix. Si vous arrivez à avoir suffisamment d'électeurs dans, je crois, une trentaine de départements, il faudrait revoir les règles en détail. Mais tant que si vous arrivez à une masse critique dans un certain nombre de départements, vous touchez du pognon par voix. Donc c'est un business aussi déguisé, quoi. Et tout est comme ça. Et en France, tout, c'est généralisé. Et donc, dans cet univers-là, on devrait trouver des gens, si vous voulez, des esprits non conformistes, et surtout des contribuables absolument écœurés, et mobilisés, qui devraient dire « Mais il faut arrêter, quoi !» Et non, les intellectuels dits dissidents ou opposants, ou non conformistes, sont des gauchistes endurcis qui disent en substance que, voilà, on ne paye pas assez d'impôts en France, quoi. D'ailleurs, en gros, ce qu'ils disent, il y a des gens, ils blanchissent leur pognon. L'évasion fiscale, ça, c'est un grand thème à gauche. C'est-à-dire, en fait, pourquoi les mecs se tirent ? Pourquoi les mecs ils se tirent, d'après vous ? Bon, bah oui. Donc voilà, et ça me fascine. Donc voilà, Michel Onfray, je sais pas encore qui... Ouais, toute une série comme ça. Hein. Mais ces connards de gauche n'ont pas encore établi que les gens se tirent pour échapper à l'esclavage, quoi. Bah voilà. L'esclavage qui fait en sorte que les gens qui travaillent nourrissent des esclaves pour qu'ils ne fassent rien. C'est-à-dire que c'est un esclavage inversé qui a lieu en Europe actuellement. Mmh. Ouais, non, mais ça me... Par exemple, la question migratoire, l'action des mains, je suis frappé de voir que... Il y en a qui disent oui, pour, contre, la culture, c'est des arguments culturels. Très bien. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait aussi... Ça parlerait à beaucoup de gens, même à des gens, vous voyez, les thématiques identitaires, vous voyez, ça les laisse un peu froid, ils savent pas trop, ou ils sont un peu concons, ou alors ils sont même carrément de gauche. Est-ce qu'on pourrait aussi aborder l'angle migratoire sous la question de l'argent ? Moi, je trouve que ce serait intéressant, ça, de dire, voilà, et combien nous coûtent tous ces nègres, là, et tous ces bicots qui arrivent ? Combien ça coûte ? Je vois que c'est chiffré, il me semble. Il y a plusieurs évaluations, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend juste les seuls migrants mineurs isolés, ça coûte 2 milliards, mais ça devrait déjà déclencher une révolution, un truc comme ça. 2 milliards, vous vous rendez pas compte ? Oui. C'est le budget d'une région migrants, moyenne. Des migrants, entre guillemets, des mineurs, entre guillemets, isolés, entre guillemets, aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Gandalf, ce que tu dis est d'autant plus révoltant que si jamais un parti comme le Rassemblement National communiquait à fond là-dessus, il n'y a aucun risque, quoi. Ça parle à sa base électorale, ça parle d'ailleurs à peu près à tout le monde, c'est tout bénef, quoi. Mais vu qu'eux aussi, ils touchent des subventions, ils n'ont pas intérêt à trop en parler, quoi. Marine Le Pen n'est pas là pour ça, elle est là pour avant tout boire du champagne. Et faire voyager son chat dans Air France. Ça, elle fait des tweets là-dessus. Oui, fumer. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà, donc... Ah non, mais non, non, ça c'est, il y a, oui, s'il y a vraiment un, s'il y a vraiment un truc qui me, c'en est à devenir même un sujet d'étude internationale, quoi, c'est comment fait-on quand on est dans un goulag pour dénoncer le capitalisme, vous voyez, c'est une interrogation que je me poserais volontiers, comment on en arrive à ce stade d'aliénation, je sais pas, ça... C'est quoi? Bah, je sais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment des gens qui vivent objectivement dans un goulag comme l'est le poulailler soviétique français, comment ces gens-là ont l'impression de souffrir sous le capitalisme. Vraiment, je me pose la question. Ah oui, c'est une énigme. Oui. C'est une énigme, mais pour moi, on en est au stade clinique. Moi, je pense qu'il faudrait le... Il faudrait que ça soit discuté par des spécialistes internationaux, dans des sommets, voilà, mais vraiment, quoi. Oui, voilà. Ça, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on peut économiser des vies. Oui, on peut éventuellement proposer des sorties en hélicoptère. Ce serait pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais ça, c'est, voilà, c'est ce gauchisme crasse, déstructuré d'ailleurs, parce que c'est plus comme du temps du Parti communiste, maintenant, là. C'est un gauchisme crasse, de l'ordre de l'atavisme, quoi, du réflexe. C'est le gauchisme réflexe, c'est le prêt-à-penser. Moi, j'aime bien, ils disent, ouais, le prêt-à-penser, tu sais, puis la dénonciation de la gauche, quoi, le prêt-à-penser de droite, machin, et de l'extrême droite. Bah, moi, je trouve que s'il y a un prêt-à-penser en France, c'est vraiment la pensée réflexe communiste, quoi. C'est gauchiste, je préfère même gauchiste. Ah, c'est même maintenant, oui, c'est la pensée gauchiste. Infantine, c'est le véganisme. Oui, non, mais je ne vais pas porter de pull en laine parce que la chèvre, tu vois. Hein, le cachemire, c'est méchant. Le cachemire, c'est bourgeois, c'est pas beau. Ouais, ah ouais, c'est non, mais c'est hallucinant. Hein. Mais on voit d'ailleurs là. Je vais pas. On voit une parce que vous savez, il y a cette histoire de réchauffement climatique qu'ils utilisent beaucoup. Et on voit à quel point l'extrême gauche en fait s'en sert pour faire passer son marxisme sous le radar. On le voit, quoi. C'est vraiment flagrant. En gros, le prétexte maintenant pour faire avaler leur théorie bidon, c'est le réchauffement climatique. Alors c'est comme je l'ai déjà dit, le réchauffement climatique, de toute façon, il faudrait, enfin c'est bidon, hein. Mais c'est une hypothèse, d'accord? C'est une hypothèse. J'ai même envie de dire le réchauffement climatique et l'explication qu'ils en ont, c'est une hypothèse dans l'hypothèse. Mais ils s'en foutent, ils ont bâti des programmes formidables pour ça, et c'est d'autant mieux que c'est le même que celui qui existait auparavant. Et maintenant, les mecs, ils ont une solution, ils veulent tout taxer, comme si c'est pas déjà le cas, quoi. Et donc, voilà, ils veulent continuer, et c'est à qui sera le plus imaginatif là-dedans, voilà, alors... Et c'est vers ça qu'on va, hein. Moi je le vois, je le constate, hein. Je vois dans les universités, ouais, enfin ce qu'il en reste, l'agitation au plan médiatique, ce qui se passe, etc. On voit bien que ces gens-là, ils veulent du pognon, quoi. Ils veulent du blé, quoi. Et ils vont aller le chercher, quoi. Ils vont aller le chercher. Hein. Oui, bah d'ailleurs. Et comme Macron, qui va le chercher jusqu'au Japon ou bien jusqu'en Australie, quoi. Voilà. Ou aux Émirats, quand même. Mais oui, je me disais, sur l'argent public, enfin même sur le reste, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a aucune alternative sérieuse. Tous ceux qui prétendent en être une, finalement, dès qu'on creuse un peu, on voit qu'ils n'en sont pas. Marine et le Rassemblement National, d'autres à droite. Mais même sur l'argent public, quasiment les seuls à en parler en France, ce sont des libéraux. Il y a quand même quelques libéraux qui existent un peu, par-ci, par-là. Mais en fait, eux... mais s'ils sont red pill, disons, sur ce sujet, ils se sentent obligés d'en faire des caisses sur d'autres sujets, comme pour compenser le fait de ne pas être orthodoxe en économie. C'est-à-dire que j'ai connu un peu des libéraux français et j'ai souvent vu ça, c'est que oui, ils connaissent l'économie, ils savent comment ça marche, ils savent à quel point la taxation et les impôts massifs, c'est aberrant, mais ils vont en faire des tonnes dans l'antiracisme, ils vont pas du tout être réalistes sur les QI et sur les races, et dès que tu parles, tu effleures ça avec eux, les types deviennent fous et tu les vois devenir des gros gauchistes, dignes du mélenchonisme en fait. Mais en fait, les libéraux français, beaucoup sont en réalité des espèces de fiottes, c'est des bourgeois qui vivent dans un petit ghetto, qui ne veulent pas qu'on trouble leur vie tranquille, donc ils ont leur position, ils sont les libéraux de service, ils ne parleront jamais d'autres sujets qui gênent. Enfin, à la limite, ils sont pour l'immigration, en justifiant ça. Oui, mais les droits individuels, et que les individus à frais, les races n'existent pas, donc, et puis le pays n'est pas une propriété, donc, on peut faire immigrer. Il faudrait supprimer les allocs, mais évidemment, eux ne font jamais rien pour que ça arrive. En fait, les libéraux français sont vraiment des espèces de fiottes. Enfin, dès qu'on les connaît personnellement, c'est absolument décevant, et c'est clair que rien n'en sort, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y avait Jean-Louis Cacomo, qui est un économiste, un professeur d'économie, libéral qui est passé sur TV Liberté récemment, parce que Jean-Louis Cacomo, il avait été en bisbille avec son doyen gauchiste, c'était un des rares pas trop gauchistes à son université, et son doyen l'avait fait psychiatriser, l'avait fait enfermer en hôpital psychiatrique. Et donc Jean-Louis Cacomo, qui n'était pas fou, qui était un universitaire tout à fait lucide, s'est retrouvé plusieurs années, comme en Union soviétique, enfermé en hôpital psychiatrique. Sauf que Cacomo avait témoigné quand il est sorti qu'en fait les libéraux, parmi qui il était assez connu, il était quand même c'est une figure parmi les libéraux français, ne l'ont pas défendu. C'est sa famille qui l'a défendu, mais les libéraux qu'il connaissait n'ont rien fait pour lui, parce que ces gens sont d'énormes fiottes, et il suffit de toucher à un des leurs, et puis ils vont tous mettre la tête dans le sable et ne rien voir, comme les gauchistes avec les terres nègres et le voilà l'immigration, le grand remplacement. Donc finalement, ouais, ça reste la même dynamique, et puis pas grand chose n'en sort. En fait, chez les libéraux, Titus, je pense que tu confirmeras mes dires, mais sur 300 millions de nègres immigrés, s'il y a un Thomas Sowell, ta théorie de généralisation du QI des nègres n'est pas efficiente. Ça, j'ai remarqué, sûr, hein. vous avez une revue comme Contrepoint, par exemple, qui est fanatiquement, dogmatiquement pro-immigration. Thomas Sowell, voilà. C'en est, mais vraiment effrayant, quoi. Et là, tu vois qu'en fait, cette revue, elle est financée par le patronat. Parce qu'au fond, toi, les types, ils ont plein d'arguments, en fait, hein, tu les écoutes, hein, voilà, ils ont des arguments économiques, etc., vous comprenez, la fiscalité, ceci, etc., bon, non, tout ça, très bien. Et toi, tu dis, ah, c'est très bien, ça, mais puisqu'on parle d'argent public, et les nègres, oh, mais formidable, l'immigration, rendez-vous compte, quelle chance, quelle opportunité, etc. Et puis là, tu vois, en gros, eux, ils veulent des négros, pour acheter, pour bosser dans les services, enfin des services très, très, très élémentaires, hein. Livrer des pizzas en gros, c'est ça, des nègres, des arabes pour conduire les taxis Uber, et voilà, ça c'est leur conception du libéral. Là c'est vraiment de l'égoïsme bourgeois crasse, extrêmement destructeur, dissolvant, qui accompagne en fait le phénomène de destruction socialiste en fait. Moi à aucun moment ça ne peut être une alternative ou un antidote, à aucun moment quoi. Mais c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de lier efficience économique et, socialisme racial. Quand je dis socialisme racial, c'est plus esprit communautaire racial que socialisme au sens de politique économique socialiste. Mais on le voit, quoi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ce critère de compréhension raciale, vous tombez à côté, quoi, à chaque fois. Et ces gens-là, en fait, ne veulent pas, détestent en fait les autres. Ils parlent constamment de droits individuels, non, ils parlent de leurs droits à eux. Ils ne sont pas intéressés par les droits réels et surtout les conditions de vie réelles de leur propre peuple. Ça ne les intéresse pas. Donc c'est vraiment ils adoptent un prisme bourgeois et menteur, parce qu'en fait, ces gens travaillent pour des groupes d'intérêt qui, eux, veulent de l'immigration pour faire du dumping racial, comme je l'ai dit. Et ça donne l'hôtellerie-restauration, ça donne le bâtiment, etc. Donc voilà. Ça, c'est vrai que les libéraux, on peut trouver des intellectuels libéraux qui vont proposer des analyses dans des revues, etc., enfin, qui vont faire d'excellentes synthèses sur ces questions, des questions fiscales, des questions économiques, mais quand on arrive sur le terrain politique, donc de la vue d'ensemble, quoi, de la vie historique, en quelque sorte, de ce qu'est une nation, de ce qu'elle doit devenir, de ce qu'elle doit faire, surtout dans une période de crise comme aujourd'hui, là, on voit qu'il n'y a personne, quoi. Une race, quoi, c'est quoi une race? Ça n'existe pas, comme tu l'as très bien dit, Titus, quoi. Donc ces gens-là ne seront jamais d'aucune aide. Et en plus, ils sont lâches. Voilà, il y a une tentative, hein. Charles Gave a essayé plus ou moins de lancer sa fille. Bon, ça s'est terminé misérablement, hein. Voilà, parce qu'il n'enlève rien au talent de Charles Gave, mais je veux dire... Ça s'est terminé dans un recoin de synagogue. C'est ça, voilà. En fait, on en vient souvent à ça, hein. Les libéraux sont très souvent dans les jupes des juifs, hein. Très très souvent, hein, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi vous savez pourquoi les juifs aiment beaucoup les libéraux? Précisément parce que les libéraux n'ont aucune fidélité vis-à-vis de leur race et de leur peuple. C'est ça qu'ils apprécient chez les libéraux. Le juif veut toujours un environnement, je vais dire, qui lui, à son niveau, hein, lui permette de manœuvrer financièrement. Mais il veut que les peuples en question perdent leur conscience raciale, c'est-à-dire leur conscience de solidarité communautaire. Donc ils sont extrêmement conscients de leur intégrité tribale, ethnique, et ils savent à quel point c'est utile pour survivre, donc ils veulent en priver leurs ennemis. Quoi de mieux que le libéralisme, c'est-à-dire l'individualisme et l'égoïsme dissolvant, et les sociétés qui l'adoptent. C'est pour ça que les Juifs sont très heureux en Grande-Bretagne, par exemple, voyez-vous. C'est parce qu'ils sont tellement individualistes, les Britanniques sont tellement individualistes, qu'ils n'auront jamais ce réflexe de solidarité face à une menace collective, quoi. Et les Juifs adorent ça. Ils adorent ça, vraiment. Le paradis du Juif, c'est un État libéral. Ça, c'est le paradis absolu du Juif. Donc ce n'est pas un hasard. En revanche, le Juif sait aussi manier le socialisme pour mettre tout le monde en rang quand la situation devient un peu plus critique. Et en fait, à chaque fois, on a le pire des deux. Donc ça, vous avez soit la démocratie libérale. Bon, la démocratie libérale a globalement quand même été effacée, remplacée par la démocratie socialiste. Mais quand vous l'avez, c'est simplement pour vous faire piller par des Juifs. Mais maintenant, vous faites piller par l'État. Bon. Pour le compte de la banque. C'est toute l'histoire de la dette. Hein. Voilà. Qui veut rajouter quelque chose de discussion assez libre quelqu'un veut faire valoir un point. Oui, c'est une sorte de tour de bonneto sémite, c'est que un coup il passe par le public, par les impôts, et puis un coup par le privé, par la spéculation, et puis dans les deux cas ils arrivent à t'exploiter, mais comme c'est pas par la même filière, ils vont pouvoir jouer l'opposition contrôlée perpétuelle entre les socialistes. Oui, mais c'est à cause des entreprises, c'est les entreprises qui vous font ça. Et puis ensuite les libéraux, non mais les entreprises le font parce que l'environnement fiscal n'est pas favorable et que les gens se font racketter. Et on peut rester comme ça pendant des décennies avec des discussions qui tourneront. Ouais. Mais oui, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que il y a quand même le libéralisme, c'est que quand on regarde par exemple les États-Unis, c'est un pays qui est bien plus libéral que la France, qui compte beaucoup plus sur la responsabilité, l'initiative personnelle, l'entrepreneuriat, et pourtant, où les Américains ont quand même, pour beaucoup, le sens racial blanc est beaucoup plus qu'en France, et où c'est beaucoup plus assumé, malgré l'antiracisme officiel. Du coup, là, les deux aspects arrivent à coexister de manière, en fait, assez harmonieuse aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en Grande-Bretagne, mais là-bas, les deux aspects arrivent à se marier assez bien. Ouais, c'est intéressant ça, ouais. Non, mais la France est un État vraiment socialiste au dernier degré, pour moi... Soviétique. Non, mais c'est vrai, je veux dire, et en plus, c'est le berceau historique du communisme, quoi, je veux dire, c'est évident, quoi. Quand il y a des gens qui disent c'est la Russie le berceau du communisme, je dis c'est pas vrai. Au plan intellectuel, au plan de l'histoire des idées, au plan des premières tentatives révolutionaires, non, c'est bien la France, hein, et on le voit, quoi, et ça reste l'épicentre du marxisme, quoi. Du marxisme ou de ses dérivés. Hein, de ses dérivés, parce que vous avez du demi-marxisme, du simili-marxisme, du marxisme sans le marxisme. Voilà, il y en a 40 sortes. Hein. Mais au fond, quand vous allez au fond de leur discussion, vous rendez compte que vous avez affaire à des égalitaristes qui veulent que l'État soit en capacité de piller tout le monde, étant entendu que tous ces gens se voient déjà à la tête de l'État. Je vous ai résumé la vue politique française. Hein. C'est ça, en fait. Quand vous avez, par exemple, les souverainistes comme Asselineau, etc. Asselineau n'en a rien à foutre que la France soit repeuplée de nègres. Au contraire, il trouve ça très bien. C'est pas son problème. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que l'État puisse, en toute liberté, pomper les contribuables français et sous sa supervision. Voilà, c'est ça qui l'intéresse, Asselineau. Voilà, c'est de pouvoir le faire. Et pourquoi ? Et c'est un énarque. C'est un haut fonctionnaire qui veut claquer l'argent des autres. Voilà. Et c'est toute l'histoire de la France. Macron est un énarque. Chirac était un énarque. On pourrait continuer comme ça longtemps, hein, si on passe juste les énarques en revue. Voilà. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on étouffe en France. C'est aussi pour ça qu'on étouffe en France. Voilà. De toute façon, ça me fait marrer en France sur les frontons des mairies, vous savez, vous avez la devise liberté, égalité, fraternité. Bon, la liberté, vous pouvez déjà l'enlever, hein. Ça, c'est clair. J'ai jamais compris pourquoi ils la mettaient en avant. Et je le comprends de moins en moins d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine alors les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.